Vous êtes assez fous pour l'écouter. 89.1. Assemblage de qui? Pour toi aujourd'hui. Assemblage de qui? Bonjour et bienvenue à Assemblage Requis, c'est mercredi 21 février 2018, on est à 65 jours de la fin de l'année scolaire, je m'appelle Mathieu Plante. Et moi Tania Baudin, on est en direct des studios de Sifu à Trois-Rivières, là où il y a probablement inondation. Es-tu sûr qu'on n'est pas à Pyeongchang? Je suis persuadée que nous ne sommes pas à Pyeongchang. Parce que je me sens comme Scott Moyer puis Virtue. C'est-à-dire que tu patauges dans la glace. Je patine et je patauge. C'est ça la vie aujourd'hui. Faites bien attention. Il est là. J'ai pris une photo ce matin de l'état de mon stationnement. C'est incroyable. En fait, il y a comme une dénivellation dans mon stationnement. Et ça crée vraiment là, une espèce de raz-de-marée. La moitié de mon stationnement est inoccupée présentement par les voitures parce qu'elles sont à la moitié dans l'eau. C'est plate. J'ai la même chose dans l'entrée chez moi. Les facteurs n'aiment vraiment pas ça. Puis il te marque, genre, déglacer votre entrée. Ah, c'est pas de ma faute, le trottoir est fait de la main. Le stationnement est fait en drain, ça, je te dis. Puis ils n'ont pas mis de drain dans le milieu du drain. Même chose dans le stationnement de l'université. Si vous allez vous rendre sur le campus aujourd'hui, faites attention, là aussi, il y a de bonnes chances que vous caliez votre moteur en pleine. Et il y a de la glace noire, vraiment beaucoup. Oui, et mon Dieu, faites attention. C'est vraiment une combinaison étrange entre super glissant et super mouillé. Exactement. Bref, belle journée. Justement, tantôt, dans son foutu palmarès, on va essayer de s'aider un petit peu. Il y a des conseils qui vont être vraiment évidents là-dedans. Okay. Mais des conseils approuvés par la science pour ne pas glisser sur la glace. J'aime ça. On va faire ça tantôt. Aussi, dans l'émission d'aujourd'hui, Sébastien Guertin va être là dans une demi-heure environ pour la chronique Bulletin Guertin. On parle tout le temps d'actualité avec lui. Plus tard dans l'émission, ta chronique s'en vient. Tania is gonna entertain ya. Qu'est-ce que tu nous réserves? Bien, je vais vous parler de pesticides ce matin. En fait, on va faire un peu le tour parce que ça sort de plus en plus. On le sait, là, on a vu des milliers et des milliers de vidéos à savoir comment enlever des pesticides de sur les pommes. Alors, je me suis dit pourquoi pas justement en discuter un peu parce que les pommes, c'est pas le seul aliment dans notre assiette qui se retrouve avec des pesticides. Et qui peuvent causer des allergies chez Tania Baudin. Oui, exactement. ça et plein d'autres chroniques maison. Peut-être des surprises, on verra. Des fois, les journées sont imprévisibles et nos 3 heures passent là. Sont passés à deviner qu'est-ce qu'ils sont. Ben oui. Donc, c'est le plan de l'émission d'aujourd'hui. Dans quelques instants, on fout du palmarès. Mais avant ça, on est de même, nous autres, on est généreux. On accepte les chroniqueurs et on vous donne du contenu, même s'il y en a qui sont pas là. Donc, on va passer de donnant à donnant. OK. Donnant. Donnant. Avec Drug Train tout de suite à Assemblage Requis. Drag Train et donnant donnant. Oh oui. Ah, maintenant, c'est le moment de s'établir une liste. Hein, comme à qui tu vas donner des cadeaux? Non. Non, comme comment ne pas tomber? Ne pas tomber, Caroline, c'est son foutu palmarès. Jusqu'à ce que je tombe sur sa Collègues qu'on établit une liste sur un sujet plus ou moins précis. Aujourd'hui, c'est le froid et le chaud, la glace et le feu. Ah. Oh, hein, quelle thématique de l'enfer. Et voilà. Alors, on commence avec des trucs pour ne pas se planter sur quelle la glace. Bonne idée. Ouais, disons que l'hiver, les gens sont peut-être un petit peu trop confiants. Tu sais, j'entends souvent genre, moi, je sais que je me planterai jamais, je me fais confiance. Même que tu tombes, par contre. Bonne chance. Même que tu tombes, tu vas faire mal en titi parce que t'avais trop confiance, fait que tu te protégeras pas, tu vas te dire, ben comme. Bref, donc, on va faire des conseils un petit peu, je dirais, évidents par... en gros, mais on va essayer de les expliquer par la science. Hein? Donc, dans notre climat froid, comme ça, le Bureau of Labor Statistics nous dit qu'en 2014, la glace, la neige et la slush ont causé plus de 42 000 blessures et maladies. C'est énorme. Mathieu, t'es compté là-dedans. Je suis là-dedans, exactement. Ben, je pose aussi, mais oui, si on veut, si on veut. Donc, on va essayer de passer au travers de ça. L'équilibre de la chose, hein? Mm-hmm. L'équilibre de la chose, se pencher par en avant, se pencher par en arrière, mettre ses bras sur les côtés, je pense que c'est des conseils que tout le monde utilise. Mais quelle est la meilleure façon de marcher sur la glace pour minimiser les risques de chute? Hein? Des experts nous en parlent. Pour commencer, y aller très tranquillement et de façon stable. Je pense c'est clair, c'est notre instinct, c'est notre gros bon sens quand on approche d'une surface glissante, ce qui nous dit que c'est presque impossible d'y aller de façon normale. On pourra pas courir là-dessus, c'est sûr. Selon Philip E. Martin, professeur, chef du département de kinésiologie à l'Iowa State University, il dit que minimiser la force vers l'avant et vers l'arrière, c'est essentiel pour marcher sur la glace. Donc la clé, c'est de garder la force sur le sol de façon verticale pour avoir moins de force vers l'avant et vers l'arrière, parce que c'est la partie qui requiert de la friction. Ensuite, on nous suggère de prendre des pas plus courts que grands. C'est quand même simple aussi. Hein? Ouais. Réduire la force vers l'avant et vers l'arrière, comme on a dit. Donc, prendre des plus petits pas. Et quand on le fait, ben, la force est appliquée contre le sol. La direction vers l'avant et vers l'arrière va être réduite. Mm-hmm. Donc, on dit qu'on ne pousse pas aussi fort sur le sol et on s'adapte donc à la friction réduite disponible. Ensuite, on évite la glace fondante. Ça, c'est Mark Fanestock, glaciologue et professeur à l'Université de Alaska Fairbanks, qui étudie les glaciers et les plaques de glace depuis quelques décennies quand même. Et pendant à travers toute sa carrière, il a vécu des conditions de moins 40 degrés Fahrenheit en Alaska. Moins 40 degrés Fahrenheit étant, hein, évidemment. Hey, mais ça me fait froid, ça. Ça donne moins 40 degrés Celsius. Ah! Ouais. Ben voyons. C'est le point du... C'est le point qui est pareil des deux côtés. Ah, ben moi. Il y a un seul degré qui est des deux côtés pareil, puis c'est celui-là. Moins 40 degrés. C'est pas zéro aussi? Non. Ah. Non. Non, vraiment pas. Non. Bref, il dit que la glace, comment la glace peut être glissante, ça peut varier par la température à l'extérieur. Donc, être au courant de la température peut vous aider à comprendre comment marcher sur la glace. Donc, c'est plus facile de marcher sur la glace quand il fait un petit peu plus chaud que quand il fait plus froid. La glace est plus glissante lorsqu'elle est en train de fondre. C'est le contraire. Là. C'est le contraire. La glace est plus glissante en train de fondre. Donc, en ce moment, au printemps... Comme en ce moment. Comme au mois de mars l'année passée, quand je me suis planté, ben, c'était parce que ça commençait à peut-être fondre un petit peu. Peut-être de la pluie par-dessus. C'est ça, c'est un petit film de molécules à la surface qui se comporte un petit peu comme de l'eau lorsqu'il fait un petit peu plus chaud. Hein? Ça veut pas dire que tu veux pas glisser sur de la glace lorsqu'il fait vraiment plus froid, mais c'est que c'est moins pire que lorsqu'il fait plus chaud. Hein? Ensuite, évidemment, de contourner les bosses, les côtes et les escaliers quand on peut. Chez moi, présentement, les escaliers, justement, faut vraiment que je me tienne après la rampe parce qu'il y a pas de sel. Je pense qu'il va falloir que j'achète du sel moi-même, moi, à un moment donné, si je veux pas me planter une autre fois. Mais bref, donc on doit faire attention à la surface sur laquelle on pile. Hein, une surface plane, c'est une chose, mais une surface en pente, comme un stationnement, tu l'as dit tantôt, hein, va pas tenir ton poids aussi efficacement. Et c'est ton poids, en fait, qui va faire que ton pied va bouger sur la glace. Donc la gravité va faire son travail, que vous le vouliez ou non, lorsqu'il y a une pente. Donc dans ces circonstances-là, oui, vous serez pas capable d'adapter votre poids et votre façon de marcher. Donc... les chances de tomber sont encore plus élevées. Les escaliers peuvent rendre la glace encore plus difficile à marcher, bien sûr. Donc, c'est l'Iowa State University, encore une fois, où on dit que... qui dit, ben, c'est sûr qu'on doit utiliser les rampes, hein, garder ses mains à l'extérieur de ses poches. On a tendance à faire ça des fois. Je me rappelle, ce matin, je m'en venais, je regardais à côté, voir si les autos passaient, mais tu sais, j'ai été déconcentré par quelque chose d'autre. C'est en étant déconcentré que tu vas te planter tout le temps. Moi, l'année passée, c'était quand j'essayais de replacer ma veste. Hein? Bref, ensuite, on doit faire attention aux surfaces changeantes. Ben oui. Encore ben oui. Une chose qu'on connaît bien au Québec, donc les circonstances où les caractéristiques de la surface changent sans qu'on le réalise. Comme la fameuse petite glace noire. La glace noire, c'est la pire dans le stationnement en ce moment, pour vrai, il y en a vraiment beaucoup, faites très attention. Donc la force de la friction maximale est réduite lorsque tu rencontres un changement abrupt, ce qui va faire que tu vas changer ta façon de marcher, et puis ça pourrait te prendre par surprise, donc faites attention, évidemment. Ensuite, porter les bons souliers. Mm-hmm. Un conseil que l'année passée, je n'avais pas encore réalisé. Je portais des souliers de marche l'année passée. C'est peut-être ma faute d'être tombé aussi. Peut-être pour ça que les assurances sont pas venues payer. Peut-être. Bref, il faut avoir les bons trucs dans les pieds. Hein? On encourage donc de regarder les propriétés matérielles du soulier ou de la botte. Hein? Donc, une... Pardon. On dit qu'une semelle rigide, c'est pas idéal du tout. Parce que ça ne s'agrippe pas, je pense qu'on sait. Justement, hier, je me suis procuré une paire de bottes que j'ai commandées. J'ai hâte de voir. C'est du caoutchouc en dessous. Mm-hmm. J'ai hâte de voir. Il n'y a pas de clous en dessous. Non, c'est ça. Mais les lignes sont dans des diagonales. Fait que peut-être que c'est mieux que des lignes droites. C'est sûr. J'ai hâte de voir ça. Bref, les scientifiques étudient comment la traction peut varier parmi les bottes. Une équipe de chercheurs chez LIDAPT, qui est l'Institut de recherche du Toronto Rehabilitation Institute de l'University Health Network, a testé et coté la résistance à la glisse de presque 100 bottes et pics dans leur Winter Lab, où ils étudiaient les gens qui tombaient sur la glace ou sur le plancher, sur une plaque de glace. Donc, ils ont fait marcher les gens d'un côté à l'autre sur la glace et les chercheurs augmentaient l'angle du plancher jusqu'à ce que le testeur glisse. Et l'angle à laquelle il glissait était nommé le Maximum Achievable Angle, donc l'angle qu'on peut réussir à marcher maximal. Hein. Plus élevé était l'angle, meilleure était la résistance à la glisse. On se comprend, c'est comme inverse. Puis 80% des bottes qu'ils ont testées ont échoué. Avoir un score assez élevé pour se mériter donc un seul flocon de neige sur leur cote de 3 flocons de neige. Des marques populaires comme Timberland, Sorel et Terra. Sorel, c'est la marque que je me suis procurée hier. Donc on va... ceux qui ont échoué le test et qui n'ont pas réussi à se rendre à même un flocon de neige, dont des marques populaires comme Timberland, Sorel et Terra. Oh non! Tu me fais regretter mon choix, là. Ouais, mais là, ça dépend où le test a été fait, hein. Oui, ben non, si, mais c'est ils ont de la été glace, faire là. Le test au Yukon, t'as pas vraiment les mêmes conditions météorologiques. C'est sûr. Et c'est des modèles, ça veut pas dire que la marque au complet est moins bonne. Exactement. Bref, ceux qui sont cotés au maximum avec 3 flocons de neige, c'est des pics stables qui s'attachent à vos souliers ou à vos bottes habituelles. Donc, vous aurez pas le choix si vous voulez vraiment pas glisser, pas le choix. Faut les pics. Et sinon, ben évidemment, on se promène comme un pingouin. C'est pas mal le dernier conseil. Hein? Funestock de tantôt nous suggère de se promener en pesant sur notre poids et en regardant directement vers l'avant et permettre vos pieds de transporter votre poids avec grâce et minimiser la glisse. J'essaie toujours, parce que c'est sûr que si je suis en botte ou en espadrille ou encore en petite botte, je pourrais dire avec un petit talon, par exemple, et qu'on est à cette température-ci. J'essaie de mettre le plus de poids possible sur mes talons. Oui. De faire mon premier pas avec le talon et non pas le devant du pied, parce que si c'est le devant du pied, j'ai tout le temps l'impression que ça va plus partir. On a l'impression aussi, oui. Je suis bien d'accord avec toi. Partir! Tandis que si je le fais sur le talon directement, j'ai une meilleure grippe pour pouvoir faire mon... ton transfert de poids. Ouais. Ouais. Mais tu sais, en même temps, plus ton chemin est long, plus les chances sont bonnes qu'une petite erreur provoque ta chute. Donc, il n'y a personne qui est à l'épreuve de ça. Même si vous dites que vous êtes vraiment hot et que vous ne tomberez jamais. Là. Sortez vos patins, au pire. Ouais, c'est ça. Je suis sûr que cette personne-là ne me le dira pas quand ça va tomber. Non. On a parlé du froid, on va parler du chaud maintenant quelques instants. On va parler de volcan, hein, le contraire complet. Tu sais, peut-être que récemment, le mont Mayon Hein? Le volcan le plus actif aux Philippines avait explosé récemment en voyant de la cendre, de la lave, de la fumée et de la roche fondue à plus de 4000 pieds dans les airs dans la province de Albay, à environ 300 miles au sud-est de Manila. Et le Philippine Institute of Volcanology and Seismology a monté le niveau d'alerte à ce moment-là à 4, indiquant que c'est très, très dangereux, qu'il fallait pas se rendre trop près du volcan. Bref, des dizaines de milliers de personnes ont été évacuées à ce moment-là. Mais c'est bien fun d'en apprendre plus sur les volcans, parce que moi, je trouve ça beau. Ben oui. Hein? C'est beau, mais super dangereux aussi. Exactement. Même les plus petits volcans peuvent avoir un grand impact. Donc, quelques faits. Commençons par le Volcanic Explosivity Index, l'indice d'explosivité des volcans, qui mesure la force et la grosseur des éruptions. Ça a été créé en 1982 par Chris Newell du United States Geological Survey et Stephen Self, donc Stéphane lui-même, de la University of Hawaii. Et ça, ça quantifie la force de l'éruption volcanique en mesurant le volume de pyroclastique. Okay. Envoyé par le volcan. Ça inclut la cendre, le tephra, c'est des fragments de roches volcaniques et de lave, les mouvements aussi de gaz et de tephra et d'autres débris comme ça. Donc la hauteur et la durée de l'éruption sont aussi comptées là-dedans. L'échelle est de 1 à 8. Chaque pas, chaque étape indique une augmentation x10 de ce qui sort du volcan. Heureusement, il n'y a pas eu de niveau 8 depuis les 10 000 dernières années. Bah, une chance. Quand même. Ensuite, Wawa Springs. Oui. Ça a l'air le fun comme nom. Tu te dis, waouh, bel endroit, je vais y aller. Wawa Springs. Wow. On dirait genre un jeu de Mario 64. Bref, une des plus grandes éruptions à avoir eu lieu, c'était environ il y a 30 millions d'années, dans ce qu'on appelle aujourd'hui l'est du Nevada et l'ouest de l'Utah. Hein. Un super volcan a fait exploser 3500 km cubes de magma sur environ 12 000 miles carrés. L'éruption a laissé derrière des débris à 13 000 pieds de profondeur. Ensuite, on a l'éruption de 1883 à Krakatau, en Indonésie, qui a été entendue à des milliers de kilomètres. Mais c'était presque rien comparé à Wawa Springs, une éruption qui a eu lieu au niveau 8, dont on a parlé tantôt. Mm-hmm. Niveau 8, qui n'a pas eu lieu depuis les 10 000 dernières années, mais ça, c'est environ... C'est où ça? En tout cas, bref. Ensuite, la lave, c'est votre plus petit souci, comme diraient les Français, le cadet de vos soucis. Ah ouais? Oui. La lave qui va beaucoup trop lentement pour être la plus grande peur après une éruption volcanique. Mais c'est pas le cas avec les pyroclastiques, les pyroclastes dont j'ai parlé tantôt. Mm-hmm. Ça, c'est des courants de gaz et de tephra qui bougent très, très rapidement, super, super chaud. C'est ce qui a fait le plus de victimes célèbres à travers l'histoire, les résidents, entre autres, de Herculaneum et Pompéi. Hein? Ce qui a frappé Herculaneum, c'était 500 degrés Fahrenheit, donc c'est assez pour faire bouillir le cerveau et vaporiser la peau. Mm-hmm. Alors que l'autre, Pompéi, ça a fait cuire la peau des gens aussi, mais ça a laissé leur corps intact. Elles étaient préservées par la cendre volcanique qui tombait du volcan. Ça fait peur. Hein? En effet. Il y a 10 façons de se faire tuer par une éruption. D'ailleurs, c'est Ionine qui nous raconte que les débris qui s'envolent, l'eau de la mer brûlante et bouillante, tombée dans de la lave, les gaz qui sont un poison, le smog volcanique ou ce qu'on appelle le vogue peuvent aussi vous tuer. Il y a trois types d'éruptions volcaniques. Les éruptions magmatiques, c'est une décompression de gaz à l'intérieur du magma qui le fait avancer vers l'avant. Les éruptions phréatiques, qui sont amenées par la chaleur du magma, ce qui crée une vapeur super chaude. Et les éruptions phréato-magmatiques, qui sont causées par l'interaction entre l'eau et le magma. Les volcanologues sont toujours en train de surveiller l'activité des volcans partout dans le monde, évidemment. Il y a plusieurs initiatives pour surveiller les activités dangereuses, dont le Global Volcanism Program du Smithsonian National Museum of Natural History. Donc, ils sortent un bulletin hebdomadaire avec le USGS, avec une carte, hein, et l'International Association of Volcanology and Chemistry of the Earth's Interior, l'IAVCI. Bien sûr, surveille ce qu'on appelle les volcans, 16 volcans en fait qui sont dangereux étant donné leurs éruptions par le passé, leur proximité à des villes qui sont garnies de populations, entre autres Rainier, Sakurajima, Vésuve, je pense en français, et Santorini. Y a des volcans sur d'autres planètes et d'autres lunes de notre système solaire. La lune de Jupiter, Io, qui est volcaniquement active. Elle est connue depuis 1979 lorsque la scientifique de Voyager 1, Linda Morabito, a découvert les premières preuves de volcans actifs sur un endroit autre que la Terre. Mais il est loin d'être seul. Par exemple, les volcans de Mars ont l'air d'être soit en train de dormir ou d'être éteint, je pourrais dire, éteint. Ouais. Mm-hmm. Il y a des preuves récemment du vaisseau Venus Express qui suggère que plusieurs volcans sur Venus sont toujours actifs de nos jours. Il y a des requins dans certains volcans. Je te jure, les scientifiques ont récemment enregistré une vidéo de requins en train de nager dans les eaux remplies de gaz, de cendres et d'acide près de Kavachi. C'est un volcan sous l'eau dans les îles Solomon. C'est environ 66 pieds en dessous de la surface, ce qui suggère que, Colin, ils sont faits tough. Mais oui. Les requins. Ensuite, tantôt, on a parlé de l'USGS. Là, je vous redirai pas l'acronyme, c'était bien trop long. Bref, leur map la plus vendue, ils vendent des cartes avec des volcans dessus. Mm-hmm. Dont This Dynamic Planet, qui est maintenant en sa troisième édition. C'est une map que vous pouvez même retrouver en PDF sur assemblagerequis.com qui montre plus de 1500 volcans, 44 000 tremblements de terre et 170 cratères d'impact, ainsi que des plaques tectoniques micro, mineures et majeures dont les mouvements créés, ce que je viens de mentionner. Environ 60 des 550 volcans historiquement actifs de la Terre explosent chaque année, 60 sur 550. Quand même beaucoup. Ouais. Au début du 19e siècle, il y a eu une éruption dans le Pacifique qui a changé le monde. Ah ouais? Gillian Darcy Wood, qui dit dans son livre « Tambora, the eruption that changed the world », quand même assez clair comme titre, que l'éruption de 1815 d'un volcan sur l'île indonésienne de Sumbawa a créé un nuage de poussière de sulfite, qu'on sait, je crois en français, massive, qui a changé le climat de la planète pendant 3 ans. Ça a amené à un impact vraiment énorme, la première pandémie de choléra. Le marché de l'opium en Chine et la première dépression économique des États-Unis, ainsi que le livre Frankenstein de Mary Shelley ont été influencés par cette éruption de 1815. Ensuite, un timbre d'un volcan. Hein? Un timbre d'un volcan. Timbre, comme un timbre pour enveloppe? Timber. A timber. OK. A timber. Écoutez pas ça. Bref, avant que le canal de Panama s'ouvre en 1915, les rivaux ont proposé que le lien Atlantique-Pacifique... donc, il y avait un plan pour se faire un petit canal à travers le Nicaragua qui avait plus d'eau et moins de malaria mortelle que le Panama. Il y avait aussi une activité volcanique assez importante. Et au début du 20e siècle... je pense en fait qu'on parle pas de timbre. Ouais, OK. Je pense qu'on parle pas de timbre. C'est ça. C'est ça. Ben là, je sais pas. Caroline, j'ai de la misère avec ça, là. Je m'excuse. En 1902, justement, le vote au Congrès, un ingénieur... on parle de timbre. Ouais, on parle de timbre, c'est ça. Donc, un ingénieur pro-canal de Panama a envoyé ce timbre-là... envoyé ce timbre-là aux 90 sénateurs pour créer un petit buzz autour de la menace volcanique du Nicaragua. Le Panama a réussi à avoir le vote par une très mince marge. Et aujourd'hui, le Nicaragua dit qu'il construit ce canal-là avec l'aide des fondateurs chinois. Justement, parler des volcans au Nicaragua, on peut surfer sur un volcan, tu savais ça? J'ai une de mes amies qui a fait ça, c'est rendu un volcan de sable, évidemment. Ton ami est rendu un volcan de sable? Non, mais c'est comme recouvert. Ah. Tu glisses comme sur le sable, dans le fond, sur de la lave qui a été séchée et pris dans le vent. Ça s'appelle Cerro Negro. Mm-hmm. Hein? Donc, un nouveau volcan très actif qui a fait éruption pour la première fois en 1850, a explosé 23 fois depuis. La plus récente fois, c'était en 1999. Donc, c'est des pentes remplies de petites roches noires sur lesquelles on peut surfer sur une planche de bois avec un dessous en métal. OK. Ouais, pas pire. Ensuite, l'endroit le plus volatile sur Terre est l'anneau de feu. Oh! Ring of Fire. C'est dans le bassin du Pacifique, la supposée donc Ring of Fire. C'est une chaîne océanique de centaines de volcans. C'est 75% de l'activité volcanique au monde, avec quelques 452 volcans actifs ou dormants, 90% des tremblements de terre du monde et 22 des 25 plus grandes éruptions volcaniques des dernières 11 700 années. Il y a plusieurs signes qui peuvent prévenir, des signes avant-coureurs, si on veut, d'activité volcanique. Selon le Volcano Hazards Program du USGS, les volcanologues gardent l'œil ouvert pour les mouvements du sol causés par le magma. Okay. Force son chemin à travers les roches solides. Les tremblements de terre résultent donc de ce mouvement-là et les changements dans la chaleur donc des gaz volcaniques et aussi la quantité de ces gaz volcaniques-là. D'autres indicateurs, c'est les craques dans le sol, de petites explosions de vapeur, la neige qui fond. Clairement. Ben oui. L'apparition. Belle déduction. Voilà. Ensuite, tiens, l'Europe. Un vol en Europe a été remis à plus tard en 2010 à cause d'une éruption en Islande. Oh, ouais. Je vais même pas faire semblant de savoir comment ça se prononce, mais ouais, tu le vois venir. Laifayaljökull. C'est ça. C'est certainement ça. Ce volcan qui a commencé à faire éruption le 14 avril 2010 et ça a pas arrêté avant 6 semaines. Donc, du magma, de la cendre et des gaz un petit peu partout. Les avions ont été gardés au sol partout en Europe. L'éruption était quand même petite, mais ça a eu un grand impact parce que ça s'est rendu vraiment très loin. Et c'est resté là pendant très longtemps aussi dans l'atmosphère grâce à la forme irrégulière des petits grains de cendre qu'on ne s'attendait pas à voir. T'as un son de quoi? Là? Ben là, j'ai trouvé la prononciation, Mathieu, de ton mot. Attends, je vais refaire la mienne. Aïe, j'aïe, j'aïe, je coule. OK, on va voir si ça va être ça. Non? On y va? Ah oui. So, I wanted to address the pronunciation, la prononciation de ce volcan islandais qui a détruit l'Europe. For all of you that are wondering pour vous demander comment le prononcer. J'ai entendu des vidéos des médias qui disent que cette prononciation était correcte. Et j'aimerais qu'ils puissent le prononcer correctement. Eyjafjallajökull. Fjallajökull. So the two L's in the end are, okay, les deux L, c'est d'être des cr. Say it like a T, like someone was suggesting. It's not your. So here it goes. It's Eyjafjallajökull. C'est ça. T'étais pas loin, Mathieu. Faut que tu mettes un chat avec une boule de poêle. C'est en plein ça. C'était un petit. À la fin, là, un petit haut le cœur. Donc, on disait que ce volcan-là en Islande avait eu beaucoup d'impact, étant donné sa forme irrégulière. La forme irrégulière de ces petits grains poreux de cendre, selon Life Science. Et dernier fait sur les volcans, on termine là-dessus. Mm-hmm. La NASA s'entraîne pour la vie sur Mars, sur les pentes d'un volcan actif. Tu savais ça? J'ai entendu parler de ça. On s'entraîne avec une équipe de 6 membres dans un dôme géodésique pour l'année qui s'en vient sur les pentes d'Hawaï au Mauna Loa, un volcan qui fait partie des Decade Volcanoes dont j'ai parlé tantôt. Et puis s'ils veulent aller à l'extérieur, il faut qu'ils portent des habits spatiaux. Wow. Donc quand même, c'est... C'est surtout à cause des gaz là, que tu disais qui peuvent s'épacher. Les gaz, évidemment. Voilà donc pour notre petit bloc chaud-froid. Hein, c'est comme... Ça finissait, je dirais, quasiment par un... Oui, un petit... ça va, ça. Sébastien Yves-Gartin? Ça va bien? Bonsoir. Moi, je vais continuer de l'appeler le volcan islandais. Oh, ouais, c'est ça. Islandais, ça fait ça. Ben oui. Qu'est-ce qui s'en vient dans ton bulletin, Gartin, après la pause? Des explosions aussi. Oh, mon Dieu! Badaboum, badabim! Ça tombe bien. Ben, j'ai hâte. Restez là. Vous êtes toujours dans l'émission Assemblage Requis, accompagné de Mathieu Plante. Et de Tania Baudin. Oui, mais nous ne sommes pas seuls. Ah non, on n'est pas seuls. On n'est pas aussi seuls à être seuls. On aime ça être entouré de gens de qualité. Exactement. Hein, des gens de talent. Ben oui, tout à fait. Comme de qui Sébastien. Vous parlez, là? Notre prochain chroniqueur est Anne. De toi. C'est pas vrai. C'est toi, Sébastien Gartin, avec ton bulletin Gartin. Gartin avec Sébastien F. Gartin qui prend un petit sujet d'actualité et qui nous l'explique. Ouais, puis là aujourd'hui, ce sera pas un petit sujet d'actualité. Tu sais, pendant la pause, on disait que j'ai un peu mal dormi cette nuit. C'est à cause de mon sujet. Oh non! Oh. Oui! Il te perturbe à ce point? Qu'est-ce qui se passe-t-il? Est-ce que je vais être niaiseux un matin, j'ai l'impression, parce que comme je l'ai dit, je manque de sommeil. Ça, c'était pas une farce. En fait, donc, les événements vont être plus nombreux qu'à l'habitude. Il y a des bonnes chances. Non, mais des fois, quand je suis trop fatigué, il y a comme le contrepoids d'adrénaline. Fait que c'est comme moins pire. En tout cas, bref.

rest of them. Would you care, care, care for me? I love you enough to ask you again. Would you care, care, care for me? You won't be kissing me unless you care for me. Betrayed. Would you drag them to the shed and unload six rounds in their fucking face? This is a sacrifice. Your hotel hall won't be so vacant, and I can't tell that you ain't faking, because I take death threats like the best of them. Changer, j'ai vu l'avenir de femmes libérées où tu portais le cuir et suis venu te dire que tu peux changer. J'ai vu un avenir, ma femme est perdue. Mes yeux portaient le cuir et la tête rasée. J'ai vu ton avenir. Je suis venu te dire que tu peux changer. J'ai vu un avenir, ma femme est perdue. Mes yeux portaient. Personne. Deux. Ah oui. Oui. Hubert Lenoir, accompagné avant la pause de Marilyn Manson. Un beau petit bloc cohérent. Là. Et maintenant, c'est Agnès Gonna Entertain You. C'était une petite Tania qui voulait être pro des médias. Fait qu'elle est allée à l'école et puis maintenant à l'école, c'est Tania. And she's gonna dream. J'ai appris que tu étais obligé de chanter récemment pour ta compétition au jeu de la com. Exactement. Et ta gorge est handicapée depuis quelques années. Oui, oui, tout à fait. Et je dirais que hier, on a vraiment beaucoup pratiqué pour que ça soit quand même très fonctionnel au spectacle des jeux de la com. Et ce matin, je ressens les petites boules là, sur mes cordes vocales. Les petites brûlures. C'est quoi? C'est des nodules? C'est quoi que t'as? Oui, je peux faire quelques nodules de 5 à 6 fois par année, mettons. Oh, wow. Ouais, j'ai une gorge très, très sensible à tout ce qui est fatigue, accumulation de stress, chant, alcool, nourriture. Alors, de ce côté-là, ça va bien, on s'en sort quand même, ça va. Peut-être que ton 28 jours sans alcool va t'aider, t'es là. C'est clair, c'est sûr et certain. Ça faisait très longtemps que j'avais pas eu mal à la gorge comme ça. Je blâme le chant, mais c'est correct, j'assume. On va y aller pour l'or. C'est ça. Et parlant de ta gorge. Oui. Aujourd'hui, on parle de choses auxquelles tu es allergique dans ta gorge, donc les pesticides et de ce que tu te mets dans la gorge. Genre de l'alimentation. L'alimentation, ouais, c'est ça que je voulais dire. Okay, ouais, merci beaucoup. De la nourriture. Oui, tout à fait. pourquoi en fait? Parce que tout simplement, je suis tombée sur un article de la presse dans le côté santé des choses où on parle justement des pesticides et des fruits et légumes qu'on retrouve souvent dans notre assiette. La plupart du temps, si vous êtes sur Internet, vous avez probablement déjà vu passer un super beau vidéo qui explique qu'il existe plusieurs pesticides sur la pelure de pomme. Ouais. Je pense que c'est un des fruits qui a vraiment été le plus médiatisé conscientisément par rapport aux pesticides, mais aussi à la cire qui se retrouve dessus pour qu'on puisse conserver cette espèce de belle couleur là, luisante, lustrée, qui fait en sorte que tu as vraiment le goût de croquer dans cette pomme-là. Par contre, la pomme n'est vraiment pas le seul fruit ou légume qui contient des pesticides. Il y a près de 3/4 des fruits et 41% des légumes qui se retrouvent dans votre épicerie, dans l'allée des non-biologiques. Ceux qu'on achète crus, là. Exactement, qui sont porteurs de traces de pesticides. Donc, c'est une conclusion qui a été faite et qui a été rapportée mardi par Génération Future. En fait, on fait appel à un élan pour utiliser moins de produits qui sont phytosanitaires. On milite un petit peu là, contre les pesticides. Et bien évidemment, on a compilé des données de la Direction générale de la concurrence, de la consommation, mais aussi de la répression des fraudes sur la période de 2012 jusqu'à 2016. Et au total, on a retenu 19 fruits, oui, et 33 légumes qui sont consommés un peu partout pour lesquels les échantillons sont représentatifs. Donc, on a observé tout ça. On a fait quelques tests, bien évidemment, parce que c'est bien beau se dire que la plupart de nos légumes contiennent des pesticides, mais ça ne veut pas nécessairement dire qu'ils sont à un taux élevé ou ça ne veut pas nécessairement dire qu'ils le sont tous. Alors, on doit de se faire certains tests sur chaque fruit et légumes pour justement arriver à certaines conclusions. Et ces conclusions-là, en fait, c'est que 72,6% des échantillons de fruits présentent des résidus de pesticides qui sont quantifiés. Ça veut dire que la quantité peut être mesurée. Il y a des fruits et légumes que, bon, on va retrouver des traces de pesticides, mais il y en a tellement peu qu'on n'est pas capable de les calculer. On n'est pas capable de calculer, de mesurer cet échantillon de pesticides-là. Tandis que dans le cas des échantillons qu'on a fait, ces 72 % qui ont été capables d'être mesurés, c'est énorme. Et dans le cas des légumes, bien, le chiffre tombe à 41,1 %. Donc, apparemment, que les pesticides seraient pas mal plus présents chez les fruits que chez les légumes. C'est ce qu'on peut en déduire. En fait, on s'attendait à trouver des résidus de pesticides dans des aliments qui sont issus de l'agriculture conventionnelle, on s'entend. Parce que, bon, évidemment, on se dit qu'on met de l'engrais. L'engrais, ça va faire pousser nos légumes beaucoup plus rapidement. On se dit que dans l'engrais, justement, il va y avoir des pesticides. On envoie des pesticides aussi par la suite pour en faire la culture, pour pouvoir les conserver plus longtemps. Ce sont des choses qu'on voit quand même assez souvent, mais l'intérêt est d'avoir le détail sur une période assez longue. Pendant combien de temps est-ce qu'on pitche des pesticides sur nos légumes? Est-ce que ça fait que nos légumes et nos fruits, à un certain moment, deviennent quasi non comestibles à cause qu'il y a trop de pesticides? C'est sûr et certain qu'il faut comprendre que c'est pas des pesticides comme de l'acide, là. T'sais, faut pas capoter non plus, on va pas mourir si on... C'est comestible. C'est ça, ce sont des pesticides comestibles, comme tu viens de le dire. On peut être allergique à ça, mais quand même. On peut être allergique à ça, il faut faire attention. C'est sûr et certain que si vous réalisez que vous mangez tout le temps le même fruit qui est pas lavé, par exemple, ou tout le temps le même légume qui est pas nécessairement lavé, et que vous réalisez à un certain moment que vous avez des réactions, bien, il y a de fortes possibilités que ce soit à cause des pesticides qui ont été lancés ou qui ont tout simplement été procédé en même temps que la culture de ce fruit ou de ce légume-là. C'est quelque chose qui est de plus en plus courant. On réalise que peut-être qu'il y a de moins en moins de gens qui étaient allergiques aux fruits ou aux légumes lui-même, mais beaucoup plus à ce qui se trouvait sur le légume ou le fruit. C'est des enseignements qui ont quand même été tirés du rapport qui a été fait un petit peu plus tôt, entre 2012 et 2016. Parmi les fruits, le pourcentage d'échantillons est beaucoup plus élevé. On présente des traces de pesticides qui concernent, par exemple, le raisin à 89 % de pesticides. Les clémentines, les mandarines, surtout là, les clémentines, les mandarines, ça va surtout être sur la peau. C'est très, très rare qu'on va manger la peau d'une clémentine puis d'une mandarine. Par contre, selon la quantité qui a été lancée sur celle-là, il y a de fortes chances qu'elle ait entré à l'intérieur de la peau et qu'on ait été capable de justement de cette façon-là de se rendre jusqu'au fruit lui-même. Les cerises sont aussi un des fruits qui est souvent splouché de pesticides. C'est ça exactement. Parce que si vous regardez un petit peu la pleure d'une cerise, c'est exactement le même lustre qu'une pomme. Alors, on se dit à ce moment-là que c'est fort possible que ce soit le même type de pesticide. Donc, si vous êtes allergique aux pesticides qui se retrouvent sur les pommes, n'allez pas manger de cerises. Des fois, j'ai peur parce que je mange quand même des cerises fréquemment et souvent congelées. Elles viennent du Chili. Puis on ne sait pas dans le Chili, au Chili, est-ce qu'il y a des pesticides? On ne sait pas. On ne sait pas. Ça vient du Chili. On ne sait pas. Qu'est-ce qu'il y a au Chili? La pomme, c'est le fruit le plus consommé en France, mais aussi au Canada. Ah. Et on arrive seulement en 8e position selon la mesure du pesticide. Donc, on a un taux de 79,7. Alors, si vous avez un taux, par exemple, de 79,7 avec la pomme. Là, je vais prendre cet exemple-là parce que c'est vraiment le fruit qu'on connaît le plus, qui a été démontré un peu partout sur les réseaux sociaux. Et c'est celui par lequel j'ai découvert que j'avais une certaine problématique au niveau des pesticides. Eh bien, si on regarde la pomme, il y a seulement 79... Bon, seulement. C'est quand même énorme. Mais il y a 79 % de pesticides qui se retrouvent sur la pomme, tandis qu'un raisin, c'est 89 %. C'est 10 % de plus de chances à ce que vous trouviez des pesticides sur votre raisin si vous ne l'avez pas, que si vous en trouvez sur votre pomme. Donc, si vous avez déjà quelques problématiques avec la pomme, regardez un petit peu le reste de vos légumes et de vos fruits aussi. C'est des écarts qui s'expliquent selon les différences de sensibilité des cultures. Donc, comme je le disais tout à l'heure, selon la quantité qu'on va lancer de pesticides, à quelle mesure est-ce qu'on va mettre le pesticide? Si on le met une fois par semaine ou une fois par mois en tant qu'agriculteur, qu'est-ce que ça va changer sur nos fruits et nos légumes? Le raisin, par exemple, c'est particulièrement sensible au aux maladies. Donc, on va lancer des pesticides qui vont être contre les maladies du raisin. Mais ces maladies du raisin-là, bien évidemment, ils vont être protégés, entre guillemets, par les pesticides pour ensuite en faire la culture où on ne va pas perdre trop de raisins. C'est un petit peu normal en tant qu'agriculture qu'on veuille justement protéger notre culture de cette façon-là. Par contre, malheureusement, ça fait en sorte qu'il y a de plus en plus de personnes qui vont pouvoir développer certaines problématiques au niveau des pesticides. Parmi les légumes, bien, les chiffres sont encore une fois alarmants. 84 %, 74 %, 72 %. Et souvent, on va voir ces pesticides-là à l'intérieur de nos herbes fraîches. Parce que oui, on en a fait la culture. Et si vous l'achetez, par exemple, dans le coin qui n'est pas nécessairement biologique, bien, il y a de fortes chances que vous deviez les passer à l'eau si vous voulez éliminer certaines des pesticides qui se retrouvent dessus. Parce que oui, veut pas, c'est un petit peu la même chose que le raisin. On veut que ça pousse. On veut pas qu'il y ait, par exemple, de chenilles qui vont aller croquer nos feuilles de basilic ou nos feuilles de persil. Alors, c'est un peu la même chose. On se doit un petit peu de faire attention. En fait, c'est vraiment à votre guise. Si vous voulez pas faire attention, vous voulez manger des pesticides, ben allez-y. Ça rajoute du goût. Hein. Exactement. Les pommes de terre se retrouvent aussi sur la liste des aliments qui ont quand même des pesticides. Et là, on parle de 57,9% parce que c'est quand même pas un légume qu'on retrouve normalement en danger parce que la pomme de terre est quand même assez habituée de vivre dans la terre et par la suite, on va la sortir de la terre. Alors à ce moment-là, on est déjà un petit peu protégé de tout ce qui est maladie, de tout ce qui est bibite aussi un petit peu insectes parce qu'on reste vraiment dans la terre, mais si notre terre contient déjà des pesticides ou si on lance des pesticides sur un plant, par exemple, je sais pas moi, un plant de carottes à côté du plant de pommes de terre, bien, il y a de fortes chances qu'à ce moment-là, notre terre reçoive aussi des pesticides. Donc, veut, veut pas, c'est la même terre, il faut le prendre en considération. Le nombre d'échantillons de fruits et de légumes qui ont été regardés, qui ont été étudiés, dépasse les limites quand même assez maximales de résidus. Ça reste faible, par contre, mais ce qu'il faut comprendre, c'est le fait de dépasser cette limite-là n'implique pas nécessairement un danger. Dans tous les cas et en cas de dépassement de ces limites-là, il y a un retrait du marché qui est demandé par la firme, en fait, qui a lancé les études. Donc, je le disais tout à l'heure, là, la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, la DGCCRF. Et, accrocheur comme nom, quand même. Je sais, hein, c'est eux qui... C'est le cabinet, en fait, qui s'occupe de faire retirer certains aliments des tablettes lorsqu'on vient à se rendre compte qu'il y a peut-être une problématique à ce niveau-là. Pour le moment, il n'y a pas d'indication de risques sanitaires qui sont liés aux pesticides. On peut les consommer sur nos fruits, on peut les consommer sur nos légumes aussi. L'environnement, le travail n'est pas nécessairement quelque chose qui va être difficile à vivre par rapport aux pesticides. Et les générations futures ont laissé de côté les fruits, les légumes... un petit peu moins biologique, mettons, si on regarde ça comme ça, qu'on pourrait plus acheter à l'épicerie vraiment là, de façon surface. On va vraiment mettre de l'avant de plus en plus les légumes et les fruits qui sont bio, qui sont fausses de données, en fait, au niveau des pesticides. Parce que si on regarde, par exemple, des fruits et des légumes qui vont être biologiques, bien, à ce moment-là, on a vraiment pris la considération de ne pas mettre de pesticides. Ça se peut que vos fruits et légumes biologiques durent moins longtemps. Ouais. Il n'y a pas de pesticides dessus. Oui, ouais. Ça se peut qu'ils soient un petit peu plus chers aussi, comme tu le mentionnes, parce qu'ils ont été traités différemment. Donc, de connaître la présence de cocktails de résidus de pesticides, c'est quand même assez important, surtout si pour vous, c'est quelque chose qui est important. La DGCCRF a demandé, en fait, un avis sur ce point, à savoir quels étaient les pesticides qu'on lance sur nos aliments. C'est un rapport qui met quand même assez en évidence l'urgence de la sortie d'un usage qui n'est pas nécessairement maîtrisé pour le moment d'un produit phyto comme le glyphosate. Donc, on a des mesures qui sont prises et on a des mesures aussi qui ont été prises dans le passé qui n'ont pas permis de réduire de façon drastique l'usage de pesticides dans l'agriculture. Là, on vise beaucoup plus l'agriculture française, mais il y a aussi l'agriculture québécoise qui est touchée. Il y a des générations... qui espère que le nouveau plan du gouvernement va permettre en fait de créer l'élan nécessaire pour un changement pratique. Et au niveau des consommateurs, bien, on est beaucoup plus réticents à l'utilisation de produits phytosanitaires. On s'assure que le monde agricole est clairement engagé pour trouver des alternatives. On assure aussi les normes qui soient beaucoup plus strictes. Au Québec, ça se fait quand même assez bien, je vous dirais. Il y a beaucoup de nos agriculteurs qui se conforment à ne pas mettre de pesticides. Ils travaillent vraiment fort. Alors, si vous arrivez à l'épicerie, et que vous vous lancez, par exemple, vous voulez pas vous lancer dans le bio parce que vous dites déjà en partant, ça va être quand même beaucoup plus dispendieux. Bien, à la base, cherchez les produits qui vont être de style Québec et Canada. Il y a de fortes chances qu'il y ait beaucoup moins de pesticides que si vos produits viennent des États-Unis, du Chili ou encore de la France. Ah. Si par exemple, je sais pas moi, vos tomates viennent de la France, bien, il y a de fortes chances qu'elle ait un haut taux de pesticides qui est contenu dans elle. Donc, à ce moment-là, vraiment, essayez de voir comment est-ce que vous pourriez acheter peut-être un petit peu plus de produits québécois. C'est des producteurs, des maraîchers et des arboriculteurs qui veulent lancer, en fait, une espèce de label, un petit peu, zéro résidu de pesticides, un peu comme on peut voir sur certains aliments sans arachide. Eh bien, là, on le verrait avec zéro résidu de pesticides. Je pense que c'est une très bonne idée. C'est différent aussi du bio. Chaque produit ne va pas nécessairement présenter beaucoup de pesticides au kilo, mais quand même, si on regarde ça comme ça, il y en a qui vont en contenir. Donc, de pouvoir mettre un label zéro pesticide dessus, ça vient rassurer la population, je pense, puis ça vient rassurer aussi les gens qui y sont allergiques, parce qu'il y a de plus en plus de gens qui découvrent certaines allergies aux aliments, certaines allergies alimentaires. Moi, je me rappelle, quand j'étais jeune, c'était vraiment épinote, là. C'était les arachides. Fallait pas amener du beurre d'épine à l'école. Et là, tu pourras pas nécessairement donner une pomme à ton ami bientôt. T'sais. C'est le fun d'avoir peut-être au moins le renseignement de quelle quantité de pesticides il y a dans chaque produit. T'sais, même si c'est pas zéro pesticide, s'il y en a, je veux savoir s'il y en a un petit peu ou s'il y en a beaucoup, beaucoup. Exactement. Je pense que c'est quelque chose qui est quand même assez normal de vouloir savoir, surtout si on est conscient un petit peu à ce qu'on se met dans le corps. Au niveau des pesticides, on l'a dit tout à l'heure, c'est pas nécessairement mal pour la santé. Par contre, quelqu'un qui va développer certaines problématiques face aux pesticides, si elle ne sait pas qu'il y a des pesticides sur le produit, ça engage quand même de devoir laver pas mal tout à tout moment. Et si on n'a pas nécessairement, de l'eau puis du savon à proximité, puis tu décides de croquer dans un raisin, ça serait le fun de pas te taper une hémorragie, tu sais. Ça pourrait être plaisant. Il y a pas d'hémorragie avec les pesticides, là, mais tu vas avoir des problèmes respiratoires quand même. Donc, à ce niveau-là, c'est sûr que je pense que les agriculteurs québécois feraient une bonne chose de justement arriver à mettre un label là-dessus, ça serait bien. Si on se pose la question, quels sont les aliments avec le plus de pesticides? Ouais. Bien, on en a un petit peu discuté tout à l'heure, mais je vous parlais des herbes fraîches, donc les légumes feuilles. Il y a une étude de l'Agence canadienne d'inspection des aliments, donc il y a 11 échantillons de fruits et légumes qui contiennent des résidus de pesticides qui excèdent les limites. Et dans 7 de ces 11 cas-là, il s'agissait de légumes verts à feuilles, donc les épinards, la laitue, ça fait partie de la liste des 12 méchants là, qui sont répertoriés dans... les vilains, exactement, dans le guide canadien, à savoir justement qu'on excède la limite de pesticides. Et à ce niveau-là, bien, tout à l'heure, on parlait de basilic, de persil. La ciboulette aussi fait partie de ces petits légumes feuilles verts-là. Donc, faites attention, passez-les sous l'eau. Je vous dirais... pas de l'eau froide, pas mal plus de l'eau chaude. Okay. S'il y a des pesticides, ça va peut-être plus les faire fondre, les faire glisser. On se rappelle avec la pomme, on avait vu de la cire, mais ça se peut aussi que ça se retrouve sur vos herbes. Est-ce pour qu'elles puissent frotter un peu? Ou? Essayez, oui. Et prenez-vous un savon qui va être comestible. Oui, ça existe. Il existe du savon à vaisselle qui est comestible. Ça veut dire que si il se retrouve dans votre assiette, ça sera pas ça sera pas dégueulasse de mettre vos aliments à l'intérieur. Donc, à ce niveau-là, c'est un petit peu la même chose. Allez-y avec un petit peu de savon, beaucoup d'eau chaude, puis essuyez-les aussi par la suite, pas simplement les rincer sous l'eau. Par la suite, les nectarines, souvent à cause de la peau, c'est souvent les fruits et légumes qui vont avoir une peau... lisse, une peau à pleurs aussi qu'on pourrait dire. Tout à l'heure, on parlait des clémentines. Les nectarines sont au premier rang des fruits les plus contaminés sur la liste des 12 méchants du Canada. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'échantillon de nectarines qui est importé a été déclaré au positif au pesticides et c'est plus effrayant encore, la nectarine qui est importée moyenne portait beaucoup plus de pesticides que toutes les autres cultures vivrières. Donc, si jamais vous voulez des nectarines, essayez d'aller dans un petit marché local, essayez d'aller voir des produits, encore une fois, qui vont être québécois. Posez la question aussi, est-ce que vous avez des nectarines qui sont biologiques? Il faut tout simplement faire un choix par rapport à cette santé-là. Si vous, ça vous intéresse pas de faire attention aux pesticides, ben faites pas attention ben, aux vous pesticides. Avez le droit, oui. Mais c'est parce qu'en fait, sur les nectarines, les fruits aussi, comme les baies, les fraises, les raisins, mais ça va souvent être des insecticides qui vont être lancés, en fait, sur ces fruits et légumes-là. Et c'est à ce moment-là que, tu sais, votre fruit, vous allez peut-être trouver qu'il goûte bizarre si vous le passez pas à l'eau, mais c'est tout simplement à cause du goût de l'insecticide. Oui, à un certain moment, c'est comestible. Ça reste que ça tue des bébites, ouais. Tu sais, je veux ouais. dire. Puis vous allez vous rentrer ça dans le corps. Donc, ça dépend vraiment de ce que vous voulez. Le céleri, le concombre sont aussi dans les aliments qui se retrouve avec le plus de pesticides. Il y a 96% des échantillons de céleri au Canada qui ont été déclarés positifs pour les pesticides et un seul échantillon de céleri était même contaminé par 15 pesticides différents. Donc, les concombres comptaient 81 résidus de pesticides différents. C'est énorme! C'est énorme! Là, on parle pas d'en France, on parle pas d'aux États-Unis, on parle du Canada. Donc, si vos céleri, vos concombres, vous ne les passez pas à l'eau, vous les lavez pas, c'est assez difficile de laver un concombre, là, je le sais, mais enlevez la pleure. Si vous décidez d'acheter du céleri, passez-le sous l'eau et par la suite, coupez-le, mettez-le dans l'eau. C'est un petit peu comme ça, ça prend de la préparation pour nos fruits et légumes, mais si vous souhaitez avoir quand même une santé qui va être saine, c'est à ce moment-là que ça va se passer aussi. Les pêches, comme les nectarines un petit peu et les pommes, ça va se retrouver quand même à 98% avec des pesticides dans l'étude canadienne. C'est quand même assez alarmant. Encore une fois, on est déclaré positif aux insecticides parce que c'est sucré. Les insectes aiment ça et on veut éloigner les insectes de nos fruits et légumes. Donc, à ce moment-là, on va tout simplement... C'est vraiment une bruine, en fait, qui est une bruine un qui spray, est... là. Carrément un spray qui va être lancé dans les arbres, mais la plupart du temps, ce que ça fait, c'est que justement, ça peut changer un petit peu, ça peut altérer le goût de votre aliment. Et les fruits et légumes les plus propres, on se pose la question parce que... Hein? Ben là, il n'y a pas juste du mal là-dedans. Ben c'est ça, en ce qui concerne les pesticides, les antécédents, ça fait craindre un petit peu les effets sur l'environnement, les plantes, les animaux, la présence dans nos aliments. Donc, c'est toujours préférable de manger des fruits et légumes qui sont courants que pas du tout, on va s'entendre là... arrêtez pas de manger des fruits et des légumes parce qu'il y a peut-être des pesticides dessus. Mais exactement, les bienfaits pour la santé d'une alimentation riche en fruits et légumes sur les risques d'exposition aux pesticides, c'est... Vous pouvez retrouver une bonne liste de ces aliments-là sur Internet. Si vous pouvez acheter bio, bien mettez des fruits et des légumes sur la liste des aliments propres à la consommation. De ces listes-là, vous pouvez collaborer à ces listes-là sur Internet. C'est des listes qui sont gouvernementales, donc vous pouvez tout simplement aller rajouter certains fruits et légumes. Ils sont moins susceptibles d'être contaminés par des pesticides. Ça ne veut pas dire qu'ils ne le seront pas. Exactement. Ça veut dire qu'ils sont moins susceptibles. Ça veut dire que probablement qu'on a un plan qui est beaucoup plus éloigné que celui, par exemple, qui est que des pesticides. Souvent, les légumes bio vont être quand même dans un plan qui vont être différent que celui qui va se retrouver sur les tablettes dans l'autre allée un petit peu plus loin, ça va venir du même fournisseur. Mais à ce moment-là, c'est un plan qui est différent. Ceux qui sont moins contaminés par les pesticides, bien les oignons, le maïs, les ananas, les avocats, les choux, les pois, les asperges, les mangues, les aubergines, les kiwis, les patates douces, les pamplemousses, les melons d'eau et les champignons. Miam! Donc, déjà à la base, si vous vous posez la question, ben là, il me semble que moi, mes champignons, tu sais, je sais pas, là, je regarde ça sur la tablette, puis je me dis qu'ils seraient peut-être contaminés de pesticides, ouais. Aller vers des champignons biologiques. Ben oui. Ça serait vraiment ça, en fait, la solution. Ça serait vraiment plus de pouvoir prôner une alimentation au niveau des fruits et légumes qui serait biologique. Et je pense que d'investir dans sa santé, ouais. Dans son alimentation, si on a certains problèmes au niveau des pesticides, ça vaut la peine. Je me demande si mes fruits congelés sont pré-lavés. Est-ce que je lave mes fruits congelés? Je suis tellement un fan, je suis capable. Je sais pas, j'ai la sauce. Regarde la liste des ingrédients. Probablement ouais. Que tu as du jus qui a été ajouté déjà à la base. Oui. Donc, du jus de raisin blanc, je crois. Au moins, tu peux pas vraiment les laver. Tu pourrais les faire fondre. Oui, oui, je pourrais faire ça. Les faire décongeler. Donc, mm-hmm. À ce moment-là, oui, tu peux les passer à l'eau. Oui. Ouais. Bon, cool. Hey, merci, Tania. Elle fait plaisir. Ben voilà. Tania is gonna entertainer tous les matins à Assemblage Rocky. T'as parlé de légumes verts. Oui. T'as parlé de légumes feuillus. Oui. T'as pas parlé de légumes dorés. Non. Mais j'ai Gold and Green quand même de Slaughter Beach Dog à te faire entendre. C'est Assemblage Rocky. des corridors dans l'assemblage requis. Ah, ben, Colin, on n'entend pas si souvent que ça, celle-là. Non, est c'est pas vrai. Mal bonne. Tiens, ça me donne complètement envie, ça, étant donné que c'est une vieille toune des palmarès, quand même, on va se le dire, de faire le blog des palmarès, c'est fou. C'est le bloc des palmarès, c'est fou. On rend visite à nos petits palmarès, c'est fou, si négligés. Hein? Pour le bloc aujourd'hui, ça va être le segment C'était fou. Hein? Donc, on va retourner en arrière dans le temps pour aller entendre les numéros 1 francophones et anglophones de l'année 2010. Mm-hmm. Donc, C'était fou qui commence à l'instant. I'll see tonight will be made up for origami. Tell the fellas, make it understood. It ain't no good if there's too much wood. Make sure you know before you go. The dance floor rojo ratio 5-1 is a rodeo. Test even mic, it's time to go. Wait outside all night to find 20 dudes in a conga line. Too many dicks on the dance floor. Easy to fix. Too many dicks on the dance floor. Spread out the dicks. Too many dudes with too many dicks. Too close to my shit, too hard to meet chicks. I need better arms, more broads, less rods. I can't do battles, get out of with the count of frauds. Too many men, too many boys, too many misters, not enough sisters, too much time on too many hands. Not enough ladies, too many men. Not enough ladies, too many men. Not enough ladies, too many men. Too many men, too many men. Que c'était fou. La rétrospective des palmarès C'est fou 89,1 FM pour l'année 2010. On vient d'entendre le numéro 1 anglophone. C'était Flight of the Conchords, le groupe humoristique néo-zélandais avec Too Many Dicks sur l'album I Told You I Was Freaky. En fait, le titre complet, c'est Too Many Dicks on the Dance Floor. C'est vraiment bon. Et avant ça, en francophone, on a entendu JP Dalpé avec une mauvaise track sur l'album Les Préliminaires. C'était numéro 1 deux fois en novembre et c'était une des chansons qu'adorait notre co-animateur de l'époque, Jean. C'était quoi son nom? Mathieu! François bon. Olivier! Tu te souviens pas de son nom? X, ça fait longtemps, 2010, hein? Ma mémoire de la semaine passée a de la misère. François Olivier était notre co-animateur et aimait beaucoup de JP Dalpé. On le salue. Terrible, ça n'a aucun sens. C'est toi, je vais t'oublier bientôt. je vais t'oublier, puis on va encore animer ensemble, hein? C'est incroyable. Ben oui, c'est incroyable. Ça. Bref, merci. Voilà, pour le bloc, c'était fou. Maintenant, on a de la place pour une autre petite chanson avant de terminer cette deuxième heure d'émission. Tantôt, en troisième heure, on va se garnir ça de nous-mêmes. Mm-hmm. Alors, on va faire du après le crime tantôt. Mm-hmm. Mais avant ça, on écoute Wolf Parade. Voici Valley Boy. Talking about the ways, the way of the stairs. Did you know that it was all gonna Wolf Parade avec Valley Boy à Assemblage Rocky. Au retour, je pense qu'on va s'acheter des choses. Mm-hmm. On a besoin des fois pour, ben oui, ben pour oui. vivre. Sex Smith, ça devrait répondre là. Au retour. Assemblage Rocky. Pour toi aujourd'hui. Assemblage Rocky. Assemblage requis pour toi aujourd'hui. Assemblage requis. Ah, c'est ce que j'espérais. Oh, exactement 9h. Exactement à la seconde près. Exactement. En ce mercredi 21 février 2018, elle est Tania Baud. Et Mathieu Plante. Mmh, j'avais l'espoir, j'étais... Ouais, mon Dieu. Et boy, donc dans quelques minutes, on va s'acheter des choses sur Internet dans 5 semaines, ça devrait pas. On l'a. Avant ça, par contre, c'est le moment d'aller se renseigner un petit peu sur ce qui se passe sur le campus. On a tendance à l'oublier des fois. Mais c'est important ce qui se passe sur le campus. Si tu mentionnes pas personne, si je le dis pas, ça va bien aller. Voici maintenant l'Info Campus, présenté par le journal Zone Campus. Une équipe formée dans le cadre du cours Activités de recherche en psychologie 2 mène présentement une recherche sur les traits psychologiques des Québécois en comparaison avec ceux de la population BDSM. Des volontaires sont présentement recherchés. Pour être éligible, il faut être âgé de 18 ans et plus, ne pas faire partie de la communauté BDSM et il faut accepter de remplir un court questionnaire en ligne qui est anonyme. Pour accéder au questionnaire, allez sur le site En tête nouvelle à l'UQTR et recherchez Comprendre les traits psychologiques des Québécois. Félicitations à la délégation étudiante du département des sciences comptables de l'Université du Québec à Trois-Rivières pour ses exploits à l'Omnium financier à Chicoutimi qui s'est tenu du 2 au 5 février dernier. L'équipe a remporté la première place en fiscalité et en comptabilité de gestion ainsi que la seconde marche de l'épreuve de simulation boursière. L'Association générale des étudiants de l'UQTR est à la recherche d'un ou d'une étudiante au cycle supérieur pour siéger à la commission des études. Pour postuler, il faut être membre de l'association. La commission des études a pour tâche de se pencher sur les questions d'enseignement et de recherche. Parmi les tâches exigées, il faut lire 200 à 300 pages par réunion, soit 8 régulières et 5 spéciales par année. Pour manifester votre intérêt, il faut envoyer un courriel à cecgen.age@uqtr.ca avant le 16 mars, 17h. C'était votre capsule Info Campus. Pour d'autres nouvelles, visitez Zone Campus et visitez zonecampus.ca. L'Info Campus qui est écrit par David Perron, le chef de pupitre du journal Zone Campus, lu par Tania Baudin ici présente. Bonjour. Et pendant la capsule, on a entendu l'acronyme BDSM et on s'est dit, il me semble, attends, un peu BDSM, c'est pas l'affaire de torture et sadomaso? Bondage, domination, soumission et sadomasochisme. Hey! C'est apparemment la même chose dans toutes les langues. Oui, exactement. On appelle ça BDSM. En fait, l'acronyme est le même dans toutes les langues. Oui. Fait quand tu dis que t'es BDiste, genre dessinateur de bande dessinée, t'es aussi BD, tu fais du BDisme, bondage, submission. Je suis pas certaine, non. Non, ça va pas ensemble. Non, pour ceux qui savent pas, c'est une ensemble de pratiques sexuelles qui fait intervenir le bondage, les punitions, le sadisme, le masochisme ou encore la domination et la soumission. C'est du kinky. Bien, en fait, ça se traduit par la souffrance psychique en certitude d'une douleur physique, mais on la transforme, pour ainsi dire, en jeu sexuel, en désir et en plaisir. Donc, le BDSM donne à la douleur une forme, il l'esthétise et en fait un plaisir sexuel. Ça tombe bien beau, dit de même. Ça a l'air séduisant. À vous. Merci. Le t-shirt. Ben oui, c'est kinky, c'est kinky. Ah, maintenant, tiens, on va peut-être s'acheter des gadgets sexuels. J'en ai aucune idée. Peut-être, je me rappelle jamais des liens que je choisis. C'est ça, mais ça devrait pas, on l'a. Ça existe, ça ne répond là, on s'achète des gadgets sur Internet et on le regrette instantanément. Et on commence à la sortie du lit, donc après avoir fait des trucs kinky, hein? Oui. Tu veux te lever le matin, mais ouais. Tu veux pas avoir un gros buzz là, sur ton cadran ou sur ton téléphone. Ouais, c'est tellement agressant. Tu veux avoir un alarm clock carpet. Hein, un design ingénieux qui vous force à vous lever physiquement de votre lit pour désactiver votre alarme. Il y a un affichage LED pour vous informer de quelle heure il est aussi. Si jamais vous voulez savoir l'heure, ben, tu dis « regarde à terre ». Donc, ça va faire un petit bip. Et puis après ça, quand vous avez de la misère à vous lever, ben, vous n'allez pas avoir le choix. Vous allez piler sur le tapis et ça va fonctionner. C'est cool, hein? Ensuite, pour ceux qui ont envie de ressentir la plage, pas la plage, mais le votre cour arrière, je dirais plus. Mm-hmm. Hein? D'avoir l'impression d'être l'été, l'hiver. Porter des sandales avec du gazon dedans. Les grass sandals pour garder contact avec la terre. Fait de gazon synthétique de haute qualité. Et ça vous donne une expérience unique qui va évidemment faire parler les gens. Tout ça pour 45$ canadiens. Ensuite, un sensor de stationnement sans fil qui vous empêche de foncer dans les voitures. Tu sais, il y en a qui ont de la misère à se stationner en pas en parallèle. C'est ça en parallèle? En c'est parallèle, entre ouais. deux voitures, c'est en ouais. parallèle. C'est quoi une à côté de l'autre? C'est en double fil, ça? Eh boy, c'est une bonne question. En double? En double. Ouais. Bref, les voitures de nos jours, les camions, des fois, ont des caméras pour regarder vers l'arrière. Hein? Mais mm-hmm. des fois, t'as besoin de plus d'informations que ça. Donc, des sensors de proximité pour vous avertir quand vous êtes trop près d'un obstacle, que ce soit en avant ou en arrière. Donc, ça s'appelle le Bump Avoiding Parking Sensor. Ça fonctionne sur votre plaque d'immatriculation et ça se met en paire, oui, avec par Bluetooth avec votre téléphone Android ou Apple avec une application gratuite. Et ça va envoyer une alerte visuelle, audible et vibrante lorsque la voiture est trop proche d'un obstacle. Ça peut aller jusqu'à 18 pouces à 10 pieds de longueur de détection. Il y a aussi une alarme anti-vol. Ça fonctionne avec deux piles 2A. Et vous allez recevoir aussi un petit truc pour pouvoir monter votre téléphone et les trucs pour installer à l'arrière votre sensor. Ça coûte quand même 150$ chez Hammacher Schlemmer. Ensuite, un appareil qui envoie une décharge pour prendre une belle photo. Mm-hmm. Qu'est-ce que c'est ça? Tout le monde peut prendre une photo de nos jours, c'est super simple. On a tous un appareil photo dans notre poche. Mais il y a quand même du temps et de la pratique de nécessaire pour prendre de bonnes photos. Hein. Peter Butchowski a créé un appareil qui veut faire de vous un bon photographe en vous envoyant une décharge électrique. Donc l'idée est que l'appareil permet de fixer un appareil sans miroir ou un reflexe. Il est équipé d'électrodes et de petits ordinateurs utilisant une intelligence artificielle capable de déterminer ce qui ferait ou non, une bonne photo. Une fois le système en place, il suffit de pointer son appareil photo sur le paysage que vous souhaitez immortaliser et l'engin vous enverra une petite décharge électrique une fois le meilleur moment venu pour que votre doigt appuie sur le déclencheur. Hey, hein? En photo, donc voilà, détails et subtilités font les meilleures photos. Et le choc va être envoyé au moment où la photo serait la plus intéressante. Prosthetic photographer, voilà. Ensuite, un oreiller parfait pour le bureau. Je suis tellement fatigué de ces temps-ci. Je oui. dis pas l'hiver, hein? C'est pas facile. Ben, tu peux attacher ce petit oreiller à pattes. OK. Pour faire une micro-sieste au bureau. Ah, je suis partante. C'est ça, hein? Ça s'appelle Adjustable Table Desktop Sleeping Pillow. On la retrouve sur Amazon, entre autres. Donc, c'est un oreiller à mémoire sur pattes, spécialement imaginé et conçu pour la sieste au bureau. C'est ça. Le confort est là pour faire un petit roupillon. Hein? En effet. Je sais pas, un oreiller normal serait correct. Je sais pas pourquoi les pattes, sûrement pour surélever un petit peu, pour pas avoir aussi mal au cou quand tu te réveilles, j'imagine. Sûrement quelque chose comme ça. Ensuite, justement, parlant d'oreiller, voici le Secret Compartment Pillow Safe. C'est littéralement un coffre-fort, mais en oreiller, hein, pour garder vos possessions les plus qui ont le plus de valeur bien secrètes sous votre tête pour être sûr de ne pas vous faire voler. C'est un oreiller confortable où on peut mettre plein de choses, des bonbons, de la drogue, de l'argent, peu importe. Tout entre dans cette petite pochette et personne ne va savoir que c'est là. Donc, personne va aller voir peut-être votre passeport, des trucs comme ça. Peut-être. Et c'est pas supposé non plus t'empêcher d'être confortable. Ensuite, tu savais que nos yeux voient... En tout cas, nos yeux voient à l'envers et notre cerveau remet la photo, l'image à l'endroit. Tu savais ça? Hein? Dans notre cerveau, on voit à l'envers dans la vie, mais notre cerveau remet ça à l'endroit pour nous faire voir ce qu'on considère comme là l'endroit. OK, oui. Bref. Vous pourrez voir maintenant de quoi aurait l'air le monde si vous regardiez, si vous voyez à l'envers avec ces prismes Dove Plexiglas Prisms qui inversent l'image pour que tout soit à l'envers en vous permettant d'ajuster les prismes pour pouvoir créer une inversion gauche-droite aussi. OK. Pour voir la vie comment elle aurait pu être si ça n'avait pas été de notre cerveau. Ensuite, continuons avec une lentille avec un filtre Instagram presque inclus à l'intérieur, ou sinon l'équivalent. Donc, c'est une lentille premium fabriquée par la compagnie Lens Baby. Donc, ça ressemble à une lentille d'appareil photo tout à fait normal, 35 mm, 2,8, mais avec un petit quelque chose en plus, avec un slider, donc un bouton glissable qui ajuste le bokeh. Bokeh, c'est des petites genres de bulles floues qu'on voit dans les photos souvent, les genres de ronds. À l'arrière-plan des photos, souvent on voit ça, et aussi le mode vignette. Donc en fond, c'est comme un filtre Instagram, on ajuste le petit bouton et instantanément ta photo va avoir un filtre pré-appliqué. Donc vous allez sauver, économiser 4 secondes de cliquer sur un bouton sur Instagram, hein, pourquoi pas. Mais tout ça coûte cher quand même, une lentille d'appareil photo pour 500$, c'est pas donné, hein. Mais pour les photographes professionnels, ça pourrait valoir la peine de faire un filtre intégré pour pas avoir à se forcer plus qu'il faut pour faire un effet de bokeh. Mm-hmm. Ensuite, on a parlé la semaine passée de déménagement et de mettre des petites étiquettes avec la photo de ce qu'il y a dans la boîte pour pouvoir scanner avec ton téléphone pour avoir le contenu de la boîte. Bon, ben apparemment que les étiquettes à scanner seraient le futur des grands magasins. Bon. Si vous allez dans un magasin à grande surface, typiquement canadien qui vend pneus et plus, oui. Leurs étiquettes sont scannables avec les employés peuvent scanner le petit écran. Ah ouais, je savais pas. Ouais. Il y a des magasins avec des étiquettes avec des codes barres qu'on peut aussi scanner. Mm-hmm. Donc bon, tous les magasins ont déjà ça pour les employés, mais pour les consommateurs, les clients, ça s'en vient. Donc on se rappelle, ben, pas à l'époque, ça existe encore, mais les beacons, c'est des petits appareils Bluetooth qui peuvent pousser des messages au téléphone, comme par exemple si tu passes devant un magasin Apple, ton téléphone va biper, « Hey, t'es devant un magasin Apple, passe voir telle affaire. » Ça. Bon. Huh. Ça, c'est des beacons, ça existe déjà, mais c'est pas quelque chose qui marche très bien. OK. En ce moment, les gens réagissent pas assez. Les beacons, c'était supposé augmenter la conversion entre être devant un magasin ou dans un magasin et l'achat. Les compagnies ont dépensé beaucoup d'argent pour amener les gens dans leur magasin, mais finalement, ça n'a pas fonctionné tant que ça. Bref, les magasins ne veulent pas perdre leur envie de vendre plus de choses. Il va y avoir des étiquettes que les gens vont pouvoir scanner en magasin. Pourquoi pas? Peut-être pour avoir même des informations sur la nutrition, sur, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir comme information intéressante? Je sais pas. Mais ce serait une interactivité entre le client et le magasin. Et ce serait au client de vouloir se renseigner des marques en scannant à la place de se faire dire par notification « Entre dans le magasin » ou « Viens acheter telle affaire ». Bref, ça devrait être de plus en plus disponible en magasin. Je pense que je préférerais de l'information de produit que de me faire dire « Hey, rentre dans le magasin par une application ». J'avoue, je suis d'accord avec toi. Mon application Métro, m'envoie une notification que Métro est proche beaucoup trop souvent. Même quand je suis à l'arrêt d'autobus devant le Normandin. Oh. Il m'avertit, hey, Métro est proche, tu sais. Ouais. C'est plat. Ensuite, on va chez Amazon un peu. Qui envoie des sex toys à des inconnus? Ah! Ouais, dans les méandres du géant américain du commerce électronique Amazon, un mystère se joue en ce début d'année. Celui des sex toys envoyés à des inconnus par des inconnus. Ah mon Dieu! Ouais, et si recevoir un colis Amazon qu'on n'a pas commandé n'est pas une mauvaise surprise habituellement, le côté intime de la nature de ces cadeaux a de quoi inquiéter certaines victimes. Amazon dit être au courant du problème, mais ne semble pas avoir la moindre idée de qui est derrière tout ça, ni de comment arrêter ces envois un peu particuliers. Donc, un livreur qui sonne à votre maison, à votre appartement, et qui vous livre un vibromasseur, un masturbateur ou autre objet intime, c'est la situation de Nikki, selon le site The Daily Beast. Elle a reçu un sextoy qu'elle n'avait pas commandé. Elle a pensé que c'était une erreur, mais elle s'est ensuite inquiétée. Peut-être qu'il s'agissait d'un maniaque et qu'elle avait été victime de stalking ou de harcèlement. Heureusement pour elle, c'est pas le cas. Le Daily Beast a pu confirmer auprès d'Amazon que Nikki n'est pas la seule victime. Des cas de sextoys livrés à des personnes qui les avaient pas commandés sont nombreux et Amazon n'a pas la moindre idée de ce qui se passe. Que Nikki ne soit pas la seule victime de ces épisodes étranges est prouvé par des histoires similaires dont la presse a parlé aux États-Unis et au Canada. Un point commun à ces histoires, c'est que les produits sont malgré tout assez chers. Nikki a vérifié le prix du vibromasseur qui était à 25$. Bon. Oh, quand même. Quand même. Les personnes qui les ont reçues, au final, sont agréablement surprises souvent. Pas surprenant. Hein? Mais comment tu fais pour savoir l'adresse? Tu fais juste prendre une adresse au hasard? Ben, selon Amazon, leur théorie, c'est que certains vendeurs envoient ces produits-là de leur propre envie à la place d'une commande placée par le client afin d'obtenir des commentaires positifs et donc de remonter dans les résultats de la recherche d'Amazon. Donc, tu commandes quelque chose et remplaces ça par autre chose. Une théorie qui a été balayée du revers de la main par un porte-parole de la compagnie Amazon qui déclare que très peu de commentaires ont été laissés sur les produits à l'issue de ces envois non sollicités. Donc là, le mystère reste là. Tu vois? Yish. Surprise! Ouais. C'est ça, hein? Surprise! Tu pognes de quoi? Ben, tu pognes de quoi, dont du plaisir. On sait pas. Oui, bon, on sait pas. Non, mais tu sais. Hein. Ensuite, pour les amateurs de jeux vidéo qui ont une Nintendo Switch, vous pouvez maintenant combiner deux Switch, comme c'était pas assez cher, pour en faire une seule borne d'arcade. Un support pour Nintendo Switch qui permet de les convertir en double borne d'arcade sera bientôt commercialisé pour une je sais pas, je dirais une 75aine de dollars au Japon, peut-être 80. La borne d'arcade est un objet culte pour les amateurs de jeux vidéo, mais c'est très cher. Peut-être que cet accessoire est une solution efficace pour trouver un compromis et s'offrir les joies de l'arcade à la maison. Vendu sur le site japonais Gamer, il va falloir passer par un traducteur automatique pour commander parce que c'est un site japonais. Cette reproduction d'une double borne arcade peut accueillir de chaque côté l'écran de la Switch et deux Joy-Con. Ça, c'est les manettes. L'idée de permettre à deux joueurs de s'affronter, notamment dans un jeu comme Ultra Street Fighter 2. Donc, une énorme borne mesurant 25 par 32 par 21 cm, entièrement en plastique, conçue pour être rangée facilement. Hein? Commercialisation prévue au mois de mai. Sur le site japonais. Ça parle d'énorme, mais c'est pas vraiment énorme. C'est petit pas mal, je pense. Ouais, c'est ça. Ensuite, on va parler un petit peu d'hiver, de sport, de glisse, hein, avec un snowboard à lumière LED. Pour looker un peu, tu sais, tu pimes ta voiture avec des lumières LED, mais pourquoi pas faire la même chose avec un snowboard? Un prototype d'une société encore japonaise, bardée de lumières LED, elle permet à l'utilisateur de faire sensation durant ses descentes. C'est à 3 Enomoto, un fabricant spécialisé dans les LED, qu'on doit cette planche de snowboard, pas comme les autres. Équipée de nombreuses LED et d'un microcontrôleur, la planche peut afficher différents effets lorsque vous réussissez telle ou telle figure, par exemple. Pas pire, quand même. Allez voir la vidéo de démonstration sur assemblagerequis.com, si ça vous intéresse. Ensuite, on va revenir au sexe un petit peu. C'est bon d'y retourner une fois de temps en temps. Cam soda. Oui. Pas crème soda. OK. Cam soda. Qui relie la webcameuse et votre sex doll en réalité virtuelle. Oh boy! Cam soda, c'est un site web leader d'une industrie pornographique florissante, celle des webcams. Rien de nouveau là-dedans, là, florissante, je sais pas. De plus en plus de filles, par choix ou dans des réseaux sinon, donc pas par choix, utilisent leur webcam pour offrir des services virtuels à des personnes du monde entier, moyennant monnaie sonnante et trébuchante. Cam soda a annoncé une nouveauté qui porte l'expérience à un tout autre niveau. Il faut donc un outil qui est loin d'être à la portée de tous, c'est donc une poupée sexuelle électronique de la marque Real Doll. Un nouveau système qui a été annoncé dans le cadre d'un partenariat entre Cam Soda et l'entreprise qui fabrique des poupées réalistes sexuelles, oui, Real Doll. L'idée qui est de rendre beaucoup plus réelle votre expérience virtuelle avec une des filles qui font de la webcam sur le site et qui dispose de leur côté de ce système. Donc l'utilisateur aura une expérience plus poussée de sa session de webcam. Cam Soda va mêler le virtuel de la webcam à la réalité de la sex doll avec une expérience interactive. Le système fonctionne seulement avec une Real Doll qui est quand même vendue entre 1500 et 10 000 selon le modèle, que ce soit un modèle complet ou seulement le torse. Les sex dolls de Real Doll fonctionnent avec ce qu'on appelle la télé dildonique. Le système connecté pour sextoys développé par LoveSense. Connecté au sextoy de la webcameuse, la poupée va renvoyer à l'utilisateur les sensations qui lui donneront l'impression qu'il est réellement en train de coucher avec elle. Ah, wow! Oui, l'illusion qui est rendue encore plus réelle grâce à l'application Cam Soda, qui supporte la vision à 360 degrés. Grâce à un cache de réalité virtuelle, l'utilisateur aura donc une expérience immersive complète, soit ce qui se fait de plus poussé dans le domaine à ce jour, le plus poussé dans ce... Oh my god! À ce jour. Non, Mathieu, non. C'était même pas dans l'article. Ah, ouais. Hein? Maintenant, des bas. Ouais. Des bas. Des fois, ça peut servir à d'autres choses que des trucs sexuels. Donc, les chaussons Air Mag. Vous pourrez être Marty McFly en sortant du lit, c'est vrai. Retour vers le futur qui est toujours aussi populaire. Hein? Et les Nike Air Mag sont donc une version des chaussures auto-lassantes, mais en bas. Ah, OK. Ouais. Nike qui avait déjà commercialisé il y a quelques mois une version des Air Mag de Marty McFly. Cette paire qui est extrêmement rare. Aujourd'hui, sur la boutique Etsy, 5th Avenue 5, on trouve une paire de bas Retour vers le futur tricotée à la main. Quand même, hein? Une idée jolie pour un fan de Retour vers le futur. Ensuite, un couple qui a utilisé la politique de retour chez Amazon pour avoir 1,2 million de dollars d'électronique gratuitement. Ah. Ouais, c'est un couple de l'Indiana, ça fait très après le crime quand même. Donc un couple de l'Indiana qui a plaidé coupable récemment après avoir fraudé Amazon de plus de 1,2 million de dollars en électronique en prenant, en tirant profit de leur politique de retour qui est très très efficace chez Amazon. J'en suis témoin étant un gars qui est rarement satisfait de ce qu'il achète. Mettons ouais, que la politique de retour, je la connais très bien. Oui. Bref, le couple a plaidé coupable le mois dernier à des accusations de fraude de courrier et de blanchiment d'argent pour leur rôle dans un petit scénario où ils achetaient des choses, des produits électroniques chez Amazon, demandant ensuite un remplacement gratuit et ensuite en vendant ces produits-là à des prix plus élevés. Donc, en mai, le U.S. Attorney's Office pour le Southern District of Indiana a accusé le couple et un autre homme d'avoir fraudé Amazon pour des, pour des centaines de produits électroniques et après ça, les revendre sur le marché noir. Selon le U.S. Attorney's Office, la fraude, c'était de profiter de cette politique-là, comme je l'ai dit. Dans certaines circonstances, les clients peuvent demander et recevoir un remplacement gratuit si le produit qu'ils ont reçu est endommagé ou ne fonctionne pas. T'as pas à renvoyer le produit parce que ça coûterait de l'argent pour le shipping à la compagnie d'origine, donc ils préfèrent t'envoyer un autre exemplaire et tu gardes le premier ou tu le détruis. Il y a des compagnies qui demandent de détruire le produit et d'envoyer des photos. Je me rappelle une compagnie qui c'était des écouteurs qui pouvaient échanger s'ils étaient défectueux. Ils te demandaient de leur envoyer une photo des écouteurs coupés au ciseau. Oh, OK. Des fois, mais Amazon, leur politique est beaucoup plus lousse. La politique est d'Amazon, mais c'est pas nécessairement Amazon qui vend le produit. Ouais, c'est ça. Bref. Amazon surveille les comptes des clients pour des activités frauduleuses par rapport à cette politique-là, mais le couple a réussi à éviter ces règles-là en créant plusieurs centaines de fausses identités en ligne. Et une fois que le couple recevait les produits de remplacement comme des GoPro, Microsoft Surface, peu importe, il revendait l'article de remplacement à un troisième homme, l'original et le remplacement, les deux produits, pour un prix beaucoup plus bas que ce qu'ils avaient payé pour l'appareil d'origine. Ils vendaient ça à un troisième homme. Et le troisième homme était celui qui augmentait le prix des articles pour les vendre à une compagnie de New York qui revendait ensuite ces produits-là au public. C'est compliqué, là. Ouais, vraiment. Mais ils voulaient encore moins se faire prendre en ayant plusieurs entremetteurs. J'imagine que c'est comme ça qu'ils ont fait ça. Probablement, ouais. Ils ont fait 1,2 million de dollars en vendant tout ça. Et le couple a reçu, en tant que tel, 725 000 dollars de tout ça. Donc, c'est quand même une grosse cote. Quand même, hein, quand même. Ouais. Ils ont plaidé coupables, comme je le disais. Ils doivent payer une restitution à Amazon pour les 1,218 millions au complet. Mais la compagnie verra probablement pas tout cet argent-là. Mais c'est ce que le jugement dit, quand même. Ils pourraient faire face à 20 ans en prison après leur, selon le plea agreement qu'ils ont signé, qu'ils ont soumis au procureur fédéral après l'arrestation. Chacun des défendants pourrait passer 20 ans en prison, mais ils vont devoir payer. Voilà. Ensuite, on a parlé de lumière tantôt sur une planche de snowboard. Parlons de lumière sur tes souliers. D'accord, dans le bon vieux temps. Ouais, des lacets de souliers qui flashent avec des lumières LED. Fonctionne par pile, c'est à l'épreuve de l'eau. C'est avec 10 petites lumières qui illuminent chaque pouce des lacets de couleurs comme vert, néon, orange, rose et jaune. Ensuite, être payé pour jouer dans son salon avec des inconnus. Bizarre, hein? Surfant sur le succès des bars à jeux, on est ici à Trois-Rivières, c'est très populaire quand même. L'économie collaborative s'empare du phénomène et permet donc à chacun, le temps d'une soirée, de transformer son salon en bar à jeux éphémère. Pour jouer dans la cour des grands, la compagnie vient de rejoindre Station F, donc l'incubateur de start-up fondé par Xavier Neal. On dit que partager sa passion des jeux vidéo, des jeux de société, pardon, s'apparente à un emploi de rêve. Et l'organisateur du bar à jeux éphémères, donc ça, ce serait toi, là, pourrait vendre des boissons et des collations moins chères que dans les bars, de quoi générer un bénéfice à chaque soirée. Donc, c'est une plateforme un peu comme Airbnb ou le service de covoiturage, des trucs comme ça. C'est cometomyspot.com qui encaisse les montants et reverse les bénéfices à l'organisateur. Certains joueurs en ont fait un vrai revenu d'appoint. Plusieurs s'y adonnent avant tout pour passer du bon temps et se faire de nouveaux amis. Ah, ben oui. Donc, partagez votre appartement pour jouer avec cometomyspot.com. Ensuite, une application pour l'eau du robinet. Ah, OK. Par abonnement. Par abonnement. Étrange, hein? Donc, c'est une idée qui est lancée par une start-up nommée Refill à New York. Refill qui propose un abonnement pour boire de l'eau du robinet dans des fontaines placées dans des magasins du quartier West Village à New York. Les internautes se posent des questions sur cette nouveauté. Refill propose de vous faire payer pour boire de l'eau du robinet. Donc, l'application prévoit en effet un abonnement de 2 US par mois pour pouvoir accéder à 8 stations de distribution distribuées un petit peu partout dans le West Village. Et pour y accéder, l'application se connecte en Bluetooth à la station en question. Par contre, la réglementation en vigueur à New York prévoit que l'eau du robinet dans les fontaines publiques soit gratuite et Refill n'a pas eu d'autre choix que de proposer également de distribuer l'eau gratuitement. Situation assez particulière. Assez cocasse. Les abonnés qui payent donc 2 par mois peuvent choisir l'eau rafraîchie et filtrée par la fontaine de Refill. Mais les internautes n'ont cesse de signaler que l'eau du robinet est déjà filtrée par la ville de New York et que les habitants payent ce service dans le cadre de leurs impôts locaux. De toute façon, Hein, de quoi remettre un petit peu en cause. Peut-être qu'ils sont pas tellement renseignés. Ouais, peut-être. Hein? Mais c'est pas tout. Certains se sont amusés à imaginer que cette dérive pourrait donner dans le futur avec des options comme un accès premium réservé pour certaines fontaines qui serait plus cher. Peut-être une petite saveur de plus, je sais pas. Hein? Refill. Quelle idée particulière. Dans le fond, on le voit sur l'appareil, ça dit de vous procurer l'application Refill. Ça ressemble un petit peu à une borne de stationnement. OK. Donc, il y a un poteau avec un distributeur d'eau. Oui. Et là, ça dit d'aller chercher l'application Refill. T'as un bouton à gauche qui dit « Eau du robinet ». Toutes les stations sont gratuites. Appuyez sur ce bouton. Donc, t'as un bouton pour avoir de l'eau gratuite. Et de l'autre côté, t'as de l'eau refroidie et filtrée. Et là, ça coûte $1,99 par mois. Il faut utiliser l'application pour activer le bouton. Donc, t'as deux boutons, gratuit ou pas gratuit. Et la peau gratuite est filtrée et froide. Hein? Je sais pas. Je sais pas. Pas sûr. Et voilà, c'est tout pour le bloc. Ça existe, mais ça ne devrait pas là. Yeah. On va l'entendre. On va faire nos touristes un peu comme un touriste. Je croiserais plein d'abreuvoirs. D'abreuvoirs pour aller boire et aurait envie de s'arrêter là. On va aller regarder les paysages avec Enter Shikari. Voici The Sights. Are you still awake for the liftoff tonight? You'll never believe the sights tonight, the sights tonight, the sights. Are you staying awake for the liftoff tonight? You'll never believe the sights tonight, the sights tonight. Mr. Magpie, you got distracted by the gleam of the diamonds as you flew by. But their gold glint does not impress when there's a billion stars in the sky. I sit gripping my pen like a bread knife as I write. I'm leaving this earth for the stars tonight. Now I'm running towards the flight. No more legal. Yeah, my head's a bit stir-fried. It's over now, and I'm a little unqualified. But fire up the rockets. Obsession! The Sights par Enter Shikari. Assemblage requis, j'aime bien cette vieille pièce des palmarès, ben semi-récente. Autour de la pause, les gens qui commettent des choses répréhensibles. Et là là. Après le crime suivant. Les petits méchants. Assemblage requis. Pour toi aujourd'hui. Pour toi aujourd'hui. Assemblage requis. Oui, oui, oui, oui, oui. c'est fou! 89 à qui? Aujourd'hui, assemblage de qui? Number 53. Again, c'est pas again, on joue quasiment again. Jamais. Elle est tellement again. Bonne. Again? Hey. Hein? Quoi? Je t'entends pas, j'ai une banane dans l'oreille. Qu'est-ce que se passe-t-il? Ah, tiens, parlant de banane dans l'oreille, tu pourrais te faire pointer de banane sur la tempe, mais ce serait pas vraiment répréhensible. Ce serait pas répréhensible. Ça serait pas super le fun. Pas super le fun, pas un crime. Donc pas dans la chronique après le crime. C'est ça. Yeah. Après le crime, c'est la chronique dans laquelle on parle de gens, oui, qui ont commis des crimes, qui ont fait des choses qu'ils n'auraient pas dû faire. Ouais. Et on commence avec un suspect du meurtre de sa copine. Oui. Une cropine. Ce serait quoi une cropine? C'est comme un crapet. C'est ça. Avec qui tu tombes en amour. Oh oui! C'est une cropine. C'est bon ça! Donc, je disais que j'allais peut-être avoir autant de misère qu'avec la précédente chronique. Dans celle-ci, ben, ça commence bien. C'est là que ça se passe. Le suspect du meurtre de sa copine a accidentellement texté un détective au sujet de son arrestation et sa peur de se faire arrêter, selon les députés. OK. Fou, hein? Donc, tout le monde a un moment, tu sais. T'as sûrement déjà vécu ça. Tout le monde a déjà vécu ça. T'envoies un moment, un message à quelqu'un sur Facebook ou un message texte, puis là, tu te rends compte. C'était la mauvaise personne. Ah, malaise. Ça m'arrive tout le temps. Oh, que j'ai ça. Surtout, en tout cas. Je pense tout le temps que je suis en train de texter ma mère, puis je texte quelqu'un d'autre. C'est pas le fun, ça. Ce qui est fun aussi, c'est quand tu fais une capture d'écran pour l'envoyer à quelqu'un, mais ça dit encore dans le coin de l'écran l'ancienne application dans laquelle t'étais, genre Tinder. Mm-hmm. C'est malaisant, ça. Bref, on était en train de parler de Facebook, tweet, courriel, peu importe, mais ça c'est un petit peu plus intense, hein? Le récipiendaire de ce message-là était le détective qui poursuivait un homme pour meurtre. L'homme de la Floride s'appelle David W. Romig, 52 ans, qui aurait tué sa copine et qui aurait accidentellement texté un enquêteur deux fois au sujet de ses peurs de se faire arrêter, selon le Marion County Sheriff's Office. Les accusations contre lui viennent à la suite d'un événement le 30 janvier dernier, l'homicide de Sally Kaufman Ruff, 64 ans. Il crie, mais il est jamais vieille. Ben oui. Il a 52 ans. Ouais. Selon l'arrestation, le rapport d'arrestation du Ocala, publié dans le Ocala Star Banner. Bref, les autorités l'ont booké après qu'il ait essayé d'envoyer un message texte à sa femme au sujet de l'incident, mais par erreur, il a envoyé deux messages à un détective du comté de Marion, celui qui enquêtait sur la mort de Kaufman Ruff. Donc, Kaufman Ruff, qui était sa copine, tu comprends? Mm-hmm. L'autre, c'était, il essaie d'écrire à sa femme. Ah, OK. C'est ça la différence ici. Ouais. Bref, les détectives ont reçu le message « Je pense qu'ils vont m'arrêter. Oh. » Et ensuite, « Je pense qu'ils vont m'arrêter, mais écrit d'une autre façon avec une faute de frappe dedans. » Hey, OK, ouais. Il a comme envoyé deux fois le même message, mais pas pareil. C'est ça. Au départ, Romig a dit aux députés que Kaufman Ruff, sa copine, donc, avait été tuée par un intrus armé. Mais ça n'avait pas de sens pour les détectives parce qu'ils ont trouvé une pipe de métal dans la cour avant. Et puis un morceau de tissu sur le cadre de porte. Romig leur avait dit que ça devait appartenir à l'intrus. Par contre, les techniciens en criminalistique ont trouvé de l'ADN sur les deux articles, selon le MSCO. Et puis après l'arrestation, Romig aurait admis au détective qu'il avait tué Kaufman Ruff pendant une expérience où il avait l'impression de ne pas être dans son corps. T'sais, comme on appelle out of body experience, ouais. Où il essayait de s'empêcher lui-même de commettre le meurtre. Puis ensuite, il a tiré le fusil. Bref, il a dit aux autorités qu'il souffrait de blackout des fois, qu'il tombait sans connaissance, qu'il entendait des voix. Tous les classiques étaient là. Bref. Et c'est ça. Ça dit que Romig dit avoir organisé la scène pour que ça donne l'impression d'être un intrus à cause qu'il avait tué sa femme, sa blonde, hein, okay. Pendant son blackout. Ah non! Voilà. Quelle histoire! Oui! Ensuite, continuons avec une adolescente, plusieurs adolescentes en fait deux, qui ont volé dans des affaires dans une maison, qui ont ensuite tué un perroquet et qui ont ensuite mis le sang de ce perroquet-là un petit peu partout dans l'appartement. Ben voyons! Ça se passe en Caroline du Nord. Deux jeunes filles qui sont accusées donc de plusieurs chefs d'accusation après avoir été arrêtées pour un vol dans une maison dimanche, il y a quelques semaines, le dimanche du Super Bowl. C'est Jordan Ruiz, 18 ans, de Albertson, et Hallie Pate, 17 ans, de Kinston, qui ont été arrêtées après que les enquêteurs les aient liées à un vol le 4 février dernier, qui a laissé donc deux animaux morts derrière. Les adolescents qui sont accusés d'être entrés dans la maison pendant que la femme qui y vivait était à un party du Super Bowl. Elles auraient tué les deux perroquets avant de mettre un véhicule en feu. Mac Price, qui est propriétaire de la maison où les filles où ses filles vivent, voilà, ses filles c'est donc les victimes. Ok, ouais. Dit à la station que Ruiz et Pate avaient mis du sang de perroquet qu'ils ont tué au préalable un petit peu partout sur les meubles de la maison. Ils ont versé aussi du liquide à comment t'appelles ça, du liquide à lighter, là, à briquet. Ah ouais, ok, du gaz, dans la, ouais, résidence, exactement. Il semble qu'ils auraient volé les médicaments des femmes. Des victimes, ouais. Ben les médicaments. À quel point, genre, t'es bizarre. Une console de jeux vidéo Xbox One. OK. Ouais, apparemment que les filles avaient vendu des choses qu'elles avaient volées par le passé et les enquêteurs ont réussi à retracer ça à ces deux filles-là, Pate et Ruiz, qui font maintenant face à une douzaine de chefs d'arrestation présentement et puis sont en prison avec 50 000 $ pour pouvoir en sortir. Ensuite, un fan qui était vraiment très très fan d'un couple sur YouTube est entré encore une fois par infraction dans leur maison. S'est fait tirer dessus par contre le fan. Oh! Ouais, c'est l'homme du Nouveau-Mexique. Malaise! Qui s'est fait tirer, donc qui est mort de ça après que la police dit que la police dit qu'il a fait 10 heures de route le mois dernier pour entrer par infraction dans la maison d'un couple très célèbre sur YouTube, un couple du Texas. Bref, vers les 3h40 du matin, le 26 janvier dernier, la vlogueuse YouTube Meg Turney a appelé le 911 et a dit avoir entendu un coup de fusil et une vitre brisée venir de sa maison à Austin. Son copain, un autre vlogueur sur YouTube, Gavin Free, était à la maison. Lui aussi a entendu quelqu'un entrer dans la résidence via la porte d'en arrière. Turney et Free se sont cachés dans un garde-robe de la chambre à coucher pendant que le suspect, qui est Christopher Eric Giles, en tout cas ce serait, 23 ans, lui qui vient de Albuquerque au Nouveau-Mexique, serait entré dans la maison cherchant les deux YouTubers. Il n'a pas réussi à les trouver, mais Giles est donc retourné à sa voiture et en sortant du stationnement, les officiers du département policier sont arrivés. Ils ont remarqué la plaque du Nouveau-Mexique et ils ont l'officier Matthew Jackson a demandé à Jazz d'arrêter. Hein? Wow. Selon les documents de la cour, Jazz a commencé à tirer quand Jackson lui a demandé d'arrêter son véhicule. Et après avoir entendu le coup de fusil, l'officier, lui, a aussi tiré, ce qui a tué le suspect, finalement. Les députés ont cherché le véhicule. Ils ont trouvé un fusil dans la main du suspect et le permis de conduire du Nouveau-Mexique avec le nom de Jazz et une photo. Donc, quand on dit présumé Jazz, pas mal sûr que c'est lui, mais bon, c'est bénéfice du doute. Franchement. Ça pourrait. Les autorités ont dit que Jazz a utilisé son arme pour briser, a probablement utilisé son arme pour briser la vitre pour entrer dans la maison. La vidéo de surveillance montre le suspect en train de se promener dans la maison cherchant les victimes, ce qui fait vraiment peur pour vrai. Voyons c'est donc. C'est du stalking, c'est vraiment pas le fun. C'est vraiment fou, là. Bref, la seule raison, la seule intention de Jazz était apparemment de causer du mal aux personnes qui y résidaient, selon la police. Voilà. Hein? Présentement, l'officier Jackson est en travaux administratifs, là, comme on appelle des fois. C'est un protocole standard après avoir tiré sur quelqu'un. Donc, après un tir sur une victime, t'as pas le choix d'aller en congé administratif payé. Bref, Turney et Free, les deux agents, n'ont pas été blessés pendant ces événements-là. Ensuite, un pasteur, hein, un homme de religion, qui était trouvé dans sa voiture avec un homme attaché. Et selon le pasteur, il disait que qu'il ne faisait que conseiller jeune homme qu'ils ont trouvé dans la voiture. Ça s'est passé à Moon Hall, en Pennsylvanie. Le pasteur qui a été trouvé dans sa voiture avec un homme attaché, où il disait qu'il lui donnait des conseils pour se sortir de sa dépendance à la drogue. Donc la police a répondu à un appel d'une voiture suspecte près d'une maison à Homestead, et là les officiers ont trouvé le pasteur George Nelson Gregory assis sur le siège arrière avec un homme nu attaché avec une corde de nylon sur le siège avant. Voilà. My God. Wow. Donc on dit que Gregory aurait dit aux officiers qu'il ne faisait que jouer, donc un jeu de rôle. Mm-hmm. Et qui se rencontraient une fois de temps en temps pour jouer, là, play with each other. Là, c'est juste une fois de temps en temps comme ça. Et que ce que les deux faisaient était complètement consensuel. Ben oui. Gregory, qui a donné son côté de l'histoire à la station de télé KDKA, disant à la station de nouvelles que l'homme a enlevé ses vêtements et lui a demandé de faire des choses. Par contre, il continue en disant que la conversation... la conversation que la police dit qu'elle a eu lieu n'a pas eu lieu. Donc la police, qu'est-ce qu'a dit la police? L'article est tellement long, je m'excuse. Bref, le pasteur et l'homme qui n'a pas été nommé ont été accusés d'actes indécents, voilà, en public. Et ils devraient recevoir leur mandat dans le courrier, bientôt. Voilà. Wow! Ensuite, un employé de magasin qui a réussi à arrêter un kidnapping après que la victime dit, mais pas oralement, mais juste fait le signe à l'aide avec sa bouche. Okay. L'employé a réussi à la sauver d'un kidnapping. C'est la police de la Floride qui a arrêté un homme qui aurait essayé de kidnapper quelqu'un dont sa victime aurait réussi à dire le mot help avec sa bouche. C'est José Ramos Sandoval qui a été arrêté après avoir essayé de kidnapper une femme non identifiée, lui offrant de la ramener à la maison du bar avant de l'appréhender. Sandoval serait arrêté dans le fond dans un dépanneur local vers les 1h du matin, et c'est là que la victime a fait ce qu'elle avait à faire, c'est-à-dire mimer le mot help avec sa bouche à l'employé alors qu'il était assis dans le véhicule. T'imagines, il était dans le véhicule dehors et le gars l'a remarqué et a fait ce qu'il avait à faire, c'est-à-dire appeler le 911 immédiatement en donnant une description du véhicule. Sandoval est parti en conduisant un petit peu de façon louche. Ça n'a pas pris trop de temps avant que les officiers le rattrapent et le placent sous arrestation. Ils ont réussi à sauver la femme en même temps. Le bureau du shérif de Jacksonville est allé sur les réseaux sociaux pour remercier l'employé du magasin et dire au lecteur que n'importe quelle personne ordinaire peut faire une très très grande différence lorsqu'il y a un crime qui se passe devant eux. Voilà. La police dit que Sandoval a admis son rôle dans le kidnapping. Il a été arrêté pour évidemment avoir kidnappé quelqu'un, s'être enfui de la police et avoir violé sa probation. Ensuite, on y va ici avec une nouvelle pour un public plus ou moins averti. C'est un couple qui attire, qui garde sa gardienne, la babysitter. Ouais. Hein, ils ont réussi à l'amener dans une chambre d'hôtel, à la droguer et à la forcer à avoir des relations sexuelles avec 5 ou plus hommes par jour. Mais non! Ça s'est passé à East Hampton, dans New Jersey, où un homme s'est confessé d'avoir attiré une fille de 17 ans à sa chambre d'hôtel, où lui et sa copine lui donnaient des drogues et puis des médicaments, des trucs comme ça, et la forçait à être prostituée pendant 10 jours. Donc c'est Christopher White, 20 ans, qui a admis avoir amené la victime à sa chambre d'hôtel de Burlington County en lui offrant un emploi pour surveiller les deux enfants de sa copine, mais à la place, s'est fait exploiter, bien sûr. Ben oui, hein? Ils l'ont menacé de violence, ils leur demandaient de prendre des drogues, des médicaments et forcé à avoir des actes sexuels non consentants. La victime est... la copine de White s'appelle Adria Regn, 28 ans. Elle a donné du crystal meth et de la marijuana et lui a dit... les deux lui ont dit de faire de la prostitution ou sinon les deux enfants de Rain n'auraient pas d'endroit où vivre. C'est comme menacé. Mm-hmm. Donc Rain et White qui auraient pris plusieurs photos de la victime nue et montré ça sur un site web qui s'appelle backpage.com. Le couple ultimement a pris tout l'argent que la victime a fait de son travail d'escorte. L'adolescente a réussi à s'enfuir pendant que le couple dormait. Okay. Mm-hmm. Et apparemment, il y a certains reportages, certains articles qui disent que White connaissait la victime, mais bon, ça c'est pas tout à fait confirmé du tout. White a plaidé coupable pour prostitution de mineurs et d'avoir facilité le trafic humain. Et il pourrait passer 13 ans en prison et il doit s'inscrire sur la liste des sex offenders, comment t'appelles ça? La sentence pour White et Rain devrait être donnée le 6 et le 13 avril respectivement. Ensuite, une femme qui aurait frappé un employé dans un magasin à 1$ ça s'est passé après qu'une vidéo de la femme en train de voler quelque chose dans le magasin a été postée sur Facebook. Donc, c'est deux femmes qui ont frappé un employé chez Family Dollar à Springfield, en Ohio, parce qu'elles étaient fâchées qu'une vidéo des deux en train d'avoir l'air de voler quelque chose dans le magasin a été postée sur Facebook par le gérant du magasin. Selon le rapport policier, un groupe de femmes est entré dans le magasin demandant de voir le gérant. Le gérant n'était pas là et apparemment le groupe a décidé de prendre leur vengeance quand même sur un employé au hasard comme ça. On dit que l'employé a demandé aux femmes de partir. Elles ne sont pas parties, bien sûr. À la place, elles ont commencé à suivre c'est une femme, l'employé, dans le magasin. Et puis finalement, ça a fini par péter en grosse crise de vargeage sur la personne. Une des femmes aurait frappé l'employé à l'arrière de la tête. Et ensuite, la même femme l'aurait pris par les cheveux et l'aurait attaqué encore plus, la poussant dans une petite pièce d'entreposage du magasin. Une femme est accusée d'avoir frappé la victime au visage, alors que l'autre bottait aussi son visage, mais avec ses pieds, dans ce cas-là. Hein? La femme a dit à la victime qu'elles étaient fâchées, les femmes, oui, on dit ça, à cause de la vidéo qui avait été postée sur Facebook. Et apparemment que même une partie de la bataille a été capturée aussi sur vidéo. Donc, on a la vidéo du vol présumé et de la violence envers l'employé. Un gérant chez Family Dollar a aussi reçu un message sur Facebook disant, avec plein de jurons là-dedans, « Enlevez la photo, vous allez vous faire battre. » Wow. C'est tellement mature, hein? Incroyable. Elles ont dit, les femmes, nous allons revenir chaque jour pour trouver le gérant. Wow. Wow. Aucune accusation pour l'instant et on dirait qu'il n'y a pas eu d'arrestation non plus. La victime a eu la face boursouflée pendant quelques jours, quelques dents endommagées aussi à cause de cette violence-là. Ensuite... Je pense que j'ai envie d'arrêter là pour aujourd'hui. Mm-hmm. J'ai envie d'arrêter là. Mais les liens de tous ces articles-là sont dans les notes de l'émission numéro 1207 sur assemblagerequis.com. On se prend une petite chanson avant de terminer l'émission d'aujourd'hui. Ben oui, et on va l'entendre une bonne grosse pièce, là. Un vrai morceau, là, tu sais. T'as envie de la frapper, là, mais tu sais, mais fais pas du faire mal comme la frapper gentiment. Oui, c'est ça. C'est Doggy Dog par The Soul Jazz Orchestra. Une petite bine sur l'épaule, puis on vient pour se dire au revoir juste après à Assemblage Requis jusqu'à 10h.

Le Soul Jazz Orchestra avec Doggy Dog, Assemblage requis, un bon vieux succès encore des derniers mois. Sais-tu qu'on termine l'Assemblage requis pour aujourd'hui? Merci d'avoir été là. Merci aussi à Sébastien F. Gartin pour sa collègue Bulletin Gartin en début d'émission. C'est pas mal tout. C'est tout. Merci à toi, Mathieu Plante. Merci, Tania Baudin. Nos mercredis se sont vidés comme ça, même pas de bon sens. Oui, c'est incroyable. Ils étaient pleins avant, maintenant, ils sont vides. Faut arrêter de vivre dans le passé. Demain. Oui, c'est ça. Demain, jeudi, ça se pourrait très bien qu'on ait un absent aussi, David Ferron, qui devrait être là. Peut-être, sinon pas. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on va faire une grosse pointe en adresse. Ça, c'est immanquable en fin d'émission. Donc, une grosse pointe en adresse demain vers les 9h quelques. L'émission est entre 7h et 10h, comme toujours. Sur nos ondes plus tard aujourd'hui, mercredi, on a Compte à rebours qui s'en vient dans quelques instants en rappel à 10h. Ensuite, Caroline, on va à Mathieu Plante et son Mathieu Plante. Mathieu Plante à 15h avec des choses geeks. À 17h, c'est l'émission d'électronique et automatique. À 18h, de la musique alternative dans écoutedon.ca. Et à 19h, si David Ferron est en forme, l'Obtrotter sera là. Oh. Voilà. Et on se retrouve demain, 7h. Mm-hmm. Bonne journée. Bonne journée. Ça va aller mieux demain encore. Bon café. Demain, l'émission va être fun. Exactement. Bye.